singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. Our love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. Run away now, run away now. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. The city with the sun all set. Mario et Anso jusqu'à 22h sur Fun Radio, ça veut dire que ça y est, dans quelques minutes, c'est toute l'équipe de Lovin' Fun qui va débarquer. Je vous rappelle que demain, à partir de 20h sur Fun Radio, on sera en compagnie de Maître Gims, qui va venir faire un live, mais de malade, dans le Night Show sur Fun Radio. Et alors surtout, si vous ne suivez pas Maître Gims sur Instagram, il faut que vous y alliez. Oui. Le mec, mais il charrie son frère Dadju. Mais d'une force, les gars, c'est énorme. Sur quoi ? Il filme en fait la voiture que Dadju vient de s'acheter. C'est une énorme voiture et tout. Et donc, en gros, il dit à son père : papa, viens voir Dadju, c'est lui qui a de la thune. C'est hyper drôle. La story, elle est magnifique. Hein. Ouais. Maître Gims, de toute façon, tout le temps, il fait marrer, moi, je trouve, sur Insta. Ouais. Et bon, d'ailleurs, on lui parlera de Dadju, évidemment, demain. On lui parlera de plein de choses, de sa tournée, du Stade de France. On attend toutes vos questions. Hein. Si vous en avez, allez-y, marionensor@funradio.fr ou alors sur la page Facebook. Je vous le dis, je vais plomber l'ambiance. Changement de salle, là, on passe dans une autre salle. Super, c'est plus Maître Gims, c'est autre chose. Je vous emmène en Arabie Saoudite. D'accord. C'est cool. Imaginez. Ah oui, à la base, c'est cool. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais mis les pieds là-bas, mais c'est pas le problème. Un homme inquiet de ne pas avoir de nouvelles de son frère depuis 3 mois décide d'aller rendre visite à la maîtresse de ce mec. Ok, il se dit bon, peut-être qu'elle, alors c'est pas sa femme, c'est la maîtresse de son frère. Il se dit peut-être qu'elle aura des nouvelles. Question vraiment con, mais maîtresse au sens genre amant. Oui, okay, voilà, sexuel. D'accord. Donc il va chez elle, il l'interroge tout ça. Bon, il se passe pas grand chose et là, il trouve dans un mixeur, écoutez bien, le mixeur de cette fameuse maîtresse, une dent. Bon, il se dit ça pue. Ça pue l'affaire, donc il appelle la police. Et alors, écoutez bien les gars. La maîtresse a fini par avouer qu'elle avait non seulement tué son amant, qu'elle l'avait également découpé en morceaux et mixé. Non. Elle a cuisiné le tout et l'a servi à des ouvriers qui travaillaient dans sa rue. Non mais elle a fait ça parce qu'en fait l'amant, donc le frère en question, voulait arrêter leur relation pour se marier avec quelqu'un d'autre. Elle a pas supporté cette décision et donc elle s'est dit je vais mixer le gars. Mais du coup tu fais payer à tous les ouvriers qui ont rien demandé quoi. Exactement. Elle a un peu pris la mouche hein, quand même. Ah ouais. Non, mais les gars, mais c'est lunaire et je vous raconte pas la tête du frère. Ah oui. C'est bon, pas lui, il y a des conneries. Mais déjà, tu vois une dent dans le mixeur, tu te dis oula, il y a une tannée. Mais c'est marrant, parce qu'en vrai, c'est tellement énorme que moi, j'aurais pas tout de suite pensé à ce que ce soit mon frère, tu vois. Ah, ton frère, elle a disparu depuis 3 mois, tu vois une dent dans c'est un ça, mixeur. Est-ce déjà, que... t'attends pas 3 mois quand même. Est-ce que l'amant s'appelait Étienne? Pourquoi? Il y avait pas de dent contre Étienne. Allez, merci, salut. Quoi? Mais j'ai compris, pas compris. Hein. C'est quoi la blague? Faut vraiment que je l'explique. Ouais, ouais. Bah, la dent dans le mixeur. Et c'est quoi le rapport avec Étienne? Explique. Étienne, raconte-nous Pablo parce qu'on comprend pas. Attendez, il y avait une dent dans un mixeur. Oui, c'est vrai. Mais non. Je crois que c'est le moment le plus gênant qui sort comme de ma vie. Et je comprends pas. Bon, c'est horrible d'expliquer de ma vie. Il y avait une dent. Je peux faire mieux. Explique, genre une musique à bloc. Ah ouais. Non. Bon alors il y avait une dent dans le mixeur. Du coup je me suis dit, tout le monde connaît l'expression avoir une dent contre Étienne. Ah non, mais je connaissais pas du tout l'expression, pardon. Moi non plus. Et vous connaissez pas l'expression non. Avoir une dent contre Étienne? Mais non. Moi je connais pas d'Étienne, donc. Non, Amy, je connais à la tienne, Étienne. Oui, moi aussi. Attendez, à la tienne, Étienne, mais il n'y a pas de avoir une dent contre Étienne. Il tape sur Google. Attendez, je vais vérifier si cette. J'avais peut-être existe. Que si on t'a dit ça à Angers, c'est t'as quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Étienne. Non, mais attendez, l'expression n'existe pas du tout. Bah non. À la tristesse. Avoir une dent. Oui, alors avoir une dent contre quelqu'un, ça existe. À la tienne, Étienne existe. Mais avoir une dent contre Étienne n'existe pas du tout, en fait. Je vous jure, je suis désolée. Parce que terminer une émission comme ça, malaise. C'est non, dur. Non, mais c'est horrible, je viens de vivre le pire moment de ma vie. Non, alors il faut pas que tu le prennes comme ça, mon chat, il faut juste que tu te dises que pendant des années, on t'a fait croire qu'avoir une dent contre Étienne existait. Et maintenant, au moins, tu t'en es sorti, quoi. Avec nous. Ah, c'est dur, là, franchement, ce qui vient de se passer. Je sais pas d'où je sens ça. Bon, en tout cas, tu sais quoi, maintenant, je vais instaurer cette expression. Elle existera. Ouais. Et vous allez le faire. Demain, vous allez au bahut. Il y a une embrouille. Vous dites, j'ai une dent contre Étienne. Vous le dites. Vous sauvez Pablo. Même si vous ne connaissez pas Étienne. Voilà, vous le dites. On instaure cette nouvelle expression. Elle va exister. Tu m'étonnes qu'ils ont rien compris. Il était tellement fier de sa vanne en plus. Ah ouais, non, mais la torpeur. Bon, on va accueillir l'équipe de Love in Fun. Je suis vraiment désolée pour ce moment, Pablo. C'est dur ce qui vient de t'arriver. Ah ouais. Salut. Salut, Karel. Ça va, salut, les petits poulets. Ça va et vous? Eh ben écoute, oui, très bien. Est-ce que ça vous arrive, vous, dans l'équipe, d'avoir des vannes ratées comme ça? On les garde plutôt en antenne. Mais parfois, il arrive que ça arrive à l'antenne, oui, tout à fait. C'est souvent le cas avec Doc et son humour de médecin. D'accord. C'est un humour particulier. Je comprends, Doc. Doc, mais... une petite vanne, peut-être, de médecin? Ah, bah, c'est ça, oui, en public, devant tout le monde, là, comme ça. Oh ça non va pas, Moi, je serai toujours cliente de ton humour, Doc, c'est promis. Oh. Non, mais vraiment. Sinon, t'avais juste à dire, j'ai pas mon stéthoscope, je ne peux pas. Ah, par exemple, tu vois, ça tombe à l'eau. Je vous l'avais dit. Hein, tu voulais nous le prouver, d'accord. Bien sûr, mais voilà. Bon, non, en vrai, on va passer un bon moment avec vous jusqu'à minuit sur Fun Radio. Nous, on sera de retour demain avec Maître Gims, qui sera notre invité dès 20h. J'ai hâte de vivre ce moment avec le live privé, ça va être énorme. Page Facebook, Mario Lanzo, si vous avez des questions, vous les balancez. On vous embrasse très fort, les poulets. On vous aime. Check, check, tac, tac, t'as vu. Et on se dit à demain, d'accord. Au revoir. Bisous, salut. Tous les soirs. Plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. Oui c'est nous, le trio débarque. Les amis, j'espère que tout va bien, que vous avez passé une belle journée. On est très heureux d'être avec vous, 22h minuit tous les soirs. C'est le rendez-vous pour tout se dire, ça s'appelle Love in Fun. Et on est plusieurs dans cette émission. D'ailleurs, il y en a un qui fait beaucoup de bruit avec son micro. Attention Doc, hein, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, hein. Quand vous entendez un petit... C'est que c'est Doc, hein, qui s'installe avec son Parkinson. Ben voilà, ça va Doc? Oui, très très bien. Bon, et excellent. C'est vrai que on se fait du souci. Comment ça va, Alice? Bah, ça va très bien. Pourquoi? Bah, on se fait du souci pour Kassim. Kassim qui n'est pas là oui. ce soir. Ah bah oui. Vous pour connaissez son couple. Hein. Ah, je le dis pour ceux qui découvrent peut-être l'émission ce soir. Kassim, c'est notre réalisateur. En même temps, c'est le producteur de l'émission. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est passé quelque chose ce week-end puisqu'il a demandé la main de sa copine. Ah bah oui. Le pire. C'est qu'elle a dit oui. Alors ça, on était tous sur le cul. Le choc. Mais la alors, folle. Jusqu'à présent, elle avait dit oui. Ah oui. Kassim n'est pas là ce soir. Hier, c'était bon en tout cas. Kassim n'est pas là ce soir. Je peux vous dire que rien ne va plus. Retournement de situation. Retournement. Peut-être. Alors, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, il est pas là ce soir. Donc, j'espère qu'on pourra vous en dire plus. En tout cas, il m'a dit ce soir, je ne peux pas être là. je n'en dis pas plus. En attendant, on va vous parler bien sûr de ce qui va se passer ce soir sur les réseaux sociaux. Avec ce soir, Alice, un rendez-vous sur Instagram. Oui, avec un petit chiffre, une petite statistique. Alors en fait, j'ai découvert qu'il y avait 88% des personnes qui kiffaient leur prénom. Genre en mode, ouais, mon prénom, il va trop bien avec ma personnalité et tout. Genre, je kiffe mon prénom. Donc moi, comme d'hab, hein, je vous pose toujours des questions sur l'Instagram de Fun Radio. Alors dites-moi tout simplement votre prénom en commentaire. Et comme d'hab, à nouveau, on va faire un petit tirage au sort. Une personne dans les commentaires, on vous contactera avant minuit pour gagner un pack Fun Radio avec des goodies Love in Fun et puis les nouvelles boules de Noël. Ah, les boules de Noël. Que tous les ans tout le monde veut, hein, franchement c'est un succès énorme. Ah, oui. On pourrait vous offrir la Nintendo Switch que vous n'en voudriez pas. Oh, non, vous préfériez les boules de Noël. Alors n'hésitez pas, ça se passe sur l'Instagram de Fun Radio. Oui, c'est exactement. Ça exactement. Et vous mettez bien votre prénom en commentaire. 85% c'est ça 88% des gens kiffent leur prénom. D'accord. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous ne kiffez pas votre prénom. Hein, appelez-nous les masturbains. Comment tu dis? Masturbain. Ouais, clitorine et tout. Il y a des prénoms comme ça assez particuliers. Ah hein. Oh, putain. Ouais, masturbain, ça existe. Masturbain. Ouais, réveillez-vous. C'est chaud. C'est le moment de vous manifester les masturbains, les Gonzagues, les Gontrans, les. Non, ça c'est quand même, c'est pas des prénoms hyper hyper. Mais quoi beaux. Faire un procès aux parents quand même, Masturbin. Oui. Des prénoms aussi. Des fois, il y a une question de décalage générationnel. Tu vois, que t'as quelqu'un de très très jeune qui s'appelle Robert ou Jean-Michel, là tout de suite. Ah ouais, quand même quoi. Là, ça y va fort. Clitorine aussi. Bah oui, Clitorine. Tu t'appelles Clitorine, c'est que t'as une vie compliquée peut-être. C'est non, mais, ça. Alors, venez nous dire. Hein, n'hésitez pas. Vous avez un prénom que vous trouvez pourri, mais finalement vous l'assumez parce que c'est votre prénom. Oui. Ou au contraire, vous l'assumez pas du tout. Mais non. Et vous allez changer de prénom. 01 42 48 5000. Ce soir également dans l'émission, on vous parlera des 48 heures Love in Fun, puisque je le rappelle, nous allons aller à Montpellier et nous allons visiter Léa et Arnaud. Enfin, quand je dis les visiter, dis donc, ce seront nos auditeurs gagnants avec qui on va passer vraiment de bons moments. Si vous voulez nous appeler toute la soirée, c'est le 01 42 48 5000. Ce soir dans l'émission, on écoutera ça. Gaoline avec Moonlight. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas de Kassim. Donc on a récupéré Thibaut de Midnight Show qui est avec nous. Ça va mon Thibaut? Ouais, ça va hyper bien. Ouais. Il est bon le Thibaut. Hein. Qu'est-ce qu'on écoutera ce soir aussi? Feder? Ouais, Feder, ouais. Et quoi d'autre? Loud. Loud. Ah oui. Avec Missing You. Et ça sonne déjà avec Coco du Standard et Méloche qui décroche toute la soirée. 01 42 48 5000. On va accueillir Alexis qui est avec nous, 20 ans de Paris. Bonsoir Alexis, sois le bienvenu sur Fun Radio. Salut à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut Alexis, comment tu vas? Bah écoute là, moyen bien. Ouais, moyen, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, là je vous ai appelé parce que voilà, je pense que ma copine me trompe. Ta copine te trompe, t'es où là Alexis là? T'es sur la route là? Non, je suis dehors, je suis devant ma boutique. D'accord. Alors, ok. Donc, t'as quitté ta boutique, c'est ça? Ouais, voilà. Tu fais quoi dans la vie, toi, Alexis? Je vends des cigarettes électroniques. D'accord. Donc là, tu viens de débaucher. 22h, putain, tu finis hyper tard, Alexis. Ouais, ce soir, j'ai fini tard. D'accord. Donc là, tu débauches et tu te demandes si ta copine n'est pas en train de te tromper. Voilà, c'est ça. Vas-y, explique-nous pourquoi, alors. Bah écoute, je suis rentré ce soir, j'ai utilisé son ordinateur au taf. Ouais. Voilà, j'ai dû utiliser son ordinateur et j'ai vu des messages avec un certain Nicolas. Donc voilà. Sur quoi? Sur Facebook. Hein. Elle avait juste un message. Voilà, il n'y avait pas le reste de la conversation, il y avait juste un message. Et voilà, c'était tu arrives quand? C'est un Nicolas, un nom bizarre. Ouais. J'ai regardé le profil. Ouais. Bon, un gars, voilà, un profil basique, quoi. Ouais. Et donc, voilà, je voulais. Et comme moi, depuis tout à l'heure, je l'appelle, elle me dit qu'elle est avec ses copines ne répondent pas, certaines me disent qu'elle n'est pas avec elle, j'ai préféré genre, vous demander pour que vous l'appelez. D'accord, pour qu'on l'appelle directement, parce que toi, tu n'arrives pas à la voir de toute façon. J'arrive pas à la voir, ouais, j'arrive pas à la voir, ça me saoule, ça me casse la tête, et voilà. Ce okay. Nicolas, elle t'en a jamais parlé, c'est jamais venu dans les prénoms de ses copains. Non, jamais. Je connais tous ses potes, on a tous des amis en commun, et je connais pas Nicolas. Enfin, tu arrives quand? Il y a pire quand même comme message. Ouais. Après, c'est un peu chelou. Il y a mieux aussi. Oui, mais il y avait quoi? C'était sa soirée entre copines quand même. Donc là. Ouais. Ouais. Et une conversation Facebook, généralement, il y a un historique de toutes les. Ouais, mais là, c'est le dernier message. Donc j'ai l'impression qu'elle avait effacé les autres. Ah bah oui, forcément. C'est une conversation que. En fait, c'est ça qui m'a plus énervé. C'est que la conversation avait été effacée. D'accord, ok. Bon, c'est peut-être qu'elle a quelque chose à cacher. Oui, ça voilà. C'est sûr. Ou pas, franchement. Une erreur, Alexis. J'essaye de la défendre. Bien sûr, là, franchement, vous avez passé le week-end ensemble, tout s'est bien passé. Mais ouais, elle était même pas bizarre ou quoi. Et ça voilà. Fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi, ok. Il n'y a pas le moindre indice dans tout ce que tu vis avec elle au jour le jour qui... Bah non, elle est non, elle est plutôt genre normale. Genre, j'ai pas. Il n'y a que ça là, brutalement, plus. Aujourd'hui. Ouais, ouais voilà. Ok. Bon, écoute Alexis. Alors moi, plutôt que de l'appeler, moi, ce que je te propose, c'est qu'on a une séquence. Tu connais bien l'émission, ou pas? Ouais. On a une séquence dans l'émission qui s'appelle Sexy Chocolat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ouvre une boutique et on appelle ta chérie qui s'appelle comment? Agathe. Et on appelle Agathe en direct pour lui dire qu'elle a gagné un cadeau. Mais c'est bien qu'on le fasse pas trop tard, hein, parce que la dernière fois qu'on l'a fait, j'ai galéré à 23h. Denichon qui appelle. Moi, je vais rendre mon tablier là, si ça continue comme ça. Non, mais vraiment. Alors, on le fait dans un instant. On appelle ta copine. On lui fait croire qu'elle a gagné des chocolats érotiques à offrir à la personne de son choix. Et si jamais elle donne ton prénom, tout va bien. Et si ce sera si c'est le prénom de Nicolas, bon, on en parlera avec elle, d'accord? Ça marche.

toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que de Sabalotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux, yeah. Bébé, tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens, yeah. Je suis jaloux, je suis jaloux. Confiance en toi. A-t-elle vraiment des sentiments pour vous? Ma sexy chocolat. Sexy chocolat. Love Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. Vous écoutez Fun Radio, c'est Love Fun et on vient de démarrer un sexy chocolat. Alors attention parce que dans un instant, on parlera de faire des trucs sexuels alors qu'on est au volant. Ce n'est pas bien. Ah non. C'est interdit, mais y en a plein qui le font. Et on va en parler. Et on va en parler. N'hésitez pas à nous appeler là au standard au 01 42 48 5000. En attendant, on va récupérer Alexis qui a 20 ans, qui est de Paris, qui veut faire un sexy chocolat. T'es là, Alexis? Ouais, je suis toujours là, ouais. Ok, Alexis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais récapituler un petit peu ton affaire. Là, tu viens de débaucher, hein, t'es vendeur de cigarettes électroniques, ouais. Hein, tout à fait. Et Alexis, tu nous appelles parce que quand t'étais au boulot, tu t'es connecté sur le Facebook de ta copine et t'as vu qu'il y avait, voilà, un message d'un certain Nicolas avec une conversation historique qui avait été supprimée, mais le dernier message était bien là et c'était quoi ce message? Tu arrives quand? Tu arrives quand? Un message, voilà, de ta copine à Nicolas. Non, c'était mon Nicolas qui a envoyé ça à ma copine. Un message de Nicolas pour ta copine. Exactement, voilà, le contraire, ouais, de ce que j'ai dit. Tout à fait. Ouais. Alors, du coup, toi, elle t'a dit quoi, ta copine, Agathe? Elle est en soirée avec ses copines, c'est ça? Bah ouais, elle aime bien faire une soirée avec ses copines, genre généralement lundi, là. Ouais. Je sais pas, ils font des apéros presque parfaits ou ils se notent, je sais pas quoi. Ah ouais, assez con, c'est mal. Ah, ça me rappelle une émission, ouais, sur M6. Original. Ouais, ah, ok. Et du coup, voilà, ouais. Et là, ça me saoule parce que, genre, la seule copine que j'ai réussi à joindre, elle me dit qu'elle n'est pas avec elle et je sens déjà qu'elle essaie de la couvrir. D'accord. Ok. Bon, alors. Pour tourner. Ok, Alexis, pas de panique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Agathe. On va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques. Elle est la grande gagnante, hein, de la boutique Sexy Chocolat, qu'elle a gagné un coffret cadeau à offrir à la personne de son choix, donc son petit ami, son chéri. Si elle te l'offre à toi, tout va bien. Si elle l'offre à Nicolas, forcément, ça va pas bien se passer. Alexis, ma seule et unique question, c'est est-ce que tu es prêt à accepter le pire? Ouais, mais ça va mal se passer pour elle si elle se trompe. Bon, écoute, ça après on verra ça dans un second temps. On va essayer de discuter, de dialoguer. Alexis, on appelle Agathe, c'est parti? C'est parti, ouais. Allez, c'est parti. Denis Chon qui passe un petit coup de téléphone à Agathe. Elle est coiffeuse, Agathe. Ah bah ça tombe bien, chérie. J'ai besoin de changer de coupe. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Agathe, oui, s'il vous plaît? Allô? Oui, c'est bien Agathe. Oui, je vous dérange? Allô, pas? C'est qui? Oui, je vous dérange pas, je vous appelle. Oh là là, j'avais pas vu l'heure. Oh, il est déjà. Baisse la télé, s'il te plaît. Oui, allô?

Merci pour vos conseils, je sais même pas quoi dire. Et elle nous remercie. Mais de rien, de rien. Alors, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Sexy chocolat, voilà, Denichon, machin, et puis à la fin, merci pour vos conseils. Bah, écoute, Agathe, tant mieux. Franchement, c'est nous, on a mis que mettre en lumière une situation qui était plus possible, et c'est aussi pour ça qu'Alexis nous a appelé. On va te repasser Coco en antenne, au standard. Tu vas pouvoir lui parler, et surtout, on vous donnera des nouvelles d'Alexis demain dans l'émission. On rappellera Alexis quand il sera un petit peu plus au calme et un petit peu moins énervé, ce qu'on peut comprendre. On te fait des gros bisous. Je suis désolé, Agathe. À bientôt, Agathe. Voilà, on ne dira pas au revoir non plus. Ah si, je l'ai coupé au moment où elle disait au revoir. Et ben voilà, au revoir, à bientôt. Et on va accueillir Tony qui est avec nous. Tony, 24 ans d'Alès. Salut Tony. Salut. Salut Poto. Toi, t'appelles pourquoi Tony? Je fais un métier très dangereux et ça me coûte ma vie de couple à chaque fois. Ça fait déjà 3 fois que j'ai la même explication comme ma copine me quitte par rapport à mon métier. D'accord, tu nous parleras de ton métier dans un instant. N'hésitez pas à venir réagir au standard aussi là. Hein. Si vous avez déjà eu un métier qui faisait fuir votre partenaire, 01 42 48 5000. Là, on s'écoute Jason Derulo sur Fun Radio. Jason Derulo et David Guetta sur Fun Radio. 22h à minuit. Love in Fun. Appelez Karel, Alice et Dom Pavajo. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio. On prendra des nouvelles d'Alexis. Il fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ah, Alexis, oui, qui a voulu tester la fidélité de sa copine. Et ça a été un échec total. Puisque même Alexis, il n'a pas assumé qu'il soit trompé. Et il a raccroché, on n'arrive même plus à la voir. Donc on va essayer de la voir un petit peu. Alors Coco a réussi à lui parler en antenne, déjà rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il est tellement énervé qu'il ne veut pas forcément... il ne voulait pas parler avec elle, quoi. Donc ça c'est très compréhensible, mais tout va bien, hein, vous inquiétez pas. En attendant, on prendra des nouvelles de lui demain dans l'émission, soyez là entre 22h et minuit. Là maintenant, on va accueillir Tony au 01 42 48 5000. Tony, 24 ans d'Alès. Bonsoir Tony. Bonsoir. Salut Tony. Est-ce que t'aimes ton prénom toi Tony? Ouais, moi j'aime bien. C'est mes parents qui me l'ont donné, donc je suis fier de le porter. Voilà, comme 86% des Français, Alice. 88%, 2% de nécessaire. Ah, j'y étais presque. 88% des Français, on vous a posté une petite photo sur Instagram. Voilà, en vous donnant ce sondage, hein, 86% oui. Des Français qui sont heureux, fiers de leur prénom. On vous a demandé de réagir en commentaire en nous donnant votre prénom. Carrément, on a plein de prénoms qui arrivent. Elijah, Karel, ah bah dis donc Karel, t'as commenté. Oui, j'ai commenté. Hugo, Maxence, Lou, Michael, David, Virginie, Nathan, Olinka. Je sais pas si tous les prénoms sont vraiment les prénoms véridiques de cette personne-là. Ouais. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont commenté, vous participez au tirage au sort pour gagner notre super pack fun, Love in Fun de Noël avec les boules de Noël. Les boules de Noël à gagner sur l'Instagram de Fun Radio. Allez liker, commenter et vous serez dans le tirage au sort. Là, Tony, on va s'occuper un petit peu de toi. Tu vas nous parler de ton métier, Tony. Eh ben voilà, moi à la base, ben, je suis agent de sécurité. Ouais. Mais en équipe surtout d'intervention, donc je fais tous les sites assez dangereux, on va dire. Enfin, ouais. Pour certains, c'est dangereux, pour moi, ça va, on va dire. Et le truc, c'est que voilà, ben, ça nuit à chaque fois à mes relations de couple, et chaque fois, ben, j'ai la même explication, et j'ai la même excuse à chaque fois. J'ai peur que tu rentres un jour dans une boîte, j'en ai marre de te rejoindre à l'hôpital. Attends, on te capte moyen, Tony. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien, reste bien près du téléphone. Tu fais quoi? C'est quoi qui fait peur à tes nanas? Parce que des mecs qui bossent dans la sécu, il y en a plein, bah des, oui. Filles, des filles aussi, enfin, je vois pas où est le problème. C'est quoi le métier à risque, là? Ben, en fait, c'est que moi, je suis surtout en équipe d'intervention, c'est-à-dire c'est les sites que je surveille qui sont dangereux et qui mettent ma vie en danger, en fait. Et elles en ont marre d'être en stress à chaque fois que je puisse un jour ne pas rentrer, quoi. C'est plutôt quel genre de site dangereux? Ben, j'ai, par exemple, la feria de Nîmes. On est seul à la barrière, les mecs nous tombent dessus, ils sont 15. Des usines classées sécurité, des aéroports, des sites où on est, des chantiers où on est seul le soir. Qui sont pas barriérés, qui sont pas grillagés. Alors voilà, on m'a déjà planté au couteau, on m'a déjà tiré dessus, j'ai été passé à tabac, on m'a agressé plusieurs fois. Ah oui, c'est beaucoup. On a fait ma bagnole super, également aussi. Ah, donc on m'a déjà pétardé la bagnole aussi. J'ai reçu des menaces, voilà. Ouais. Mais je suis pas le seul. J'ai pas mal de collègues qui sont dans ce cas-là. Donc après, ben forcément, on doit rien dire par rapport aux entreprises où on est parce qu'on a des devoirs de réserve, on va dire. Et le truc, c'est voilà, c'est ça fait trois fois que je suis en couple et que trois fois que ça se termine et que c'est toujours la même explication. Tu t'en es toujours sorti, hein, tous les problèmes que t'as eus et les agressions, c'est bien terminé. Ben on va dire que ça s'est plutôt bien terminé, mais j'ai quand même fait 14 passages à l'hôpital pour des trucs graves et entre 20 et 25 passages pour des trucs légers. Alors les trucs c'est une malédiction là, c'est plus un métier. Attends, raconte-nous la fois, tu sais c'est Père Castor, raconte-nous la fois où tu t'es fait tirer dessus, Père Castor. Ben le truc c'est voilà, c'est surveiller un site, voilà, c'était un chantier, il y avait forcément des matériaux précieux, des explosifs aussi pour le chantier et tout. Et moi j'étais un soir tranquille en train de surveiller et puis à un moment je vois des gars qui arrivent et tout, et forcément je vais pour contacter, comme j'étais tout seul, je vais pour contacter la gendarmerie de suite. Et j'ai pas le temps de finir de ce que j'étais en train de faire que d'un coup j'entends un bruit, et puis à un moment j'ai eu une douleur au niveau des côtes et je voyais que je pissais le sang au niveau des côtes, quoi. Putain. D'accord. Donc voilà, ça a été le pire qui m'est arrivé, quoi. Donc bon, ça s'est plutôt bien passé parce que ça a pas touché un endroit grave, heureusement. Mais bon, ça a laissé le temps, voilà, de prendre mon portable, de se servir. Et puis voilà, c'est mon collègue de la relève, qui, comme je pouvais contacter personne, c'est mon collègue de la relève qui m'a trouvé 2 heures plus tard. D'accord. Et donc, c'est un métier que tu adores par-dessus tout. C'est vraiment le truc que tu as envie de faire. Je fais ça depuis que j'ai 17 ans. C'est le premier boulot que j'ai fait. Et ça fait 7 ans que je fais ça. Et c'est ma passion, quoi. C'est vraiment ta passion. Bon, c'est cette fille, ta copine, ça fait combien de temps que tu es avec elle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te reproche finalement? Ben en fait, il y en a eu 3 et à chaque fois, ça a été la même excuse. J'en ai marre de venir te retrouver à l'hôpital. Un jour, tu vas y passer. Tu devrais changer de métier. Tu devrais faire un truc un peu moins dangereux. Il y a beaucoup de métiers qui sont pas dangereux. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. T'es complètement fou. Et à chaque fois, elle te dit ça au bout de combien de temps? Ben en général, ça dure 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à ce que voilà. j'en viens des fois à cacher mon métier. Bon, elle le voit forcément, mais tenue de sécurité après quand elle vient à la maison, donc forcément, je peux pas trop le cacher. Ouais. Bon, et donc, voilà. Ok, Tony. Toi, Alice, tu pourrais sortir avec quelqu'un comme Tony qui a un métier, à risque? Oui, je pourrais, parce que je me verrais pas priver un mec enfin, mon mec surtout, de sa passion, si vraiment. Enfin, Tony, tu te verrais faire un autre métier que celui-là ou pas? Ben, j'ai essayé justement. Là, j'ai pris un peu connaissance des choses. J'ai été avec une autre copine. Bon, ça s'est terminé par rapport à autre chose. Mais entre temps, j'ai tenté la restauration comme serveur. Ma mère m'a donné ma chance et voilà. Ça me plaît aussi, mais on va dire que la sécurité me manque et j'ai pas mal d'appels de mes anciens patrons pour revenir travailler. Chaque fois, je refuse, mais okay. Ça me manque, quoi. Mais t'es quand même en train d'essayer de regarder ailleurs. C'est ça. Mais bon, moi, j'aime ce frisson du risque et du coup, ben, je fais d'autres choses, comme j'ai fait du saut en parachute, du saut à l'élastique, j'ai un collègue avec une migale, j'ai pris la migale dans la main. J'ai fait avoir un petit peu d'adrénaline autrement, quoi. Ouais, il n'y a pas des trucs genre Fear Factor, des trucs comme ça pour toi? Tu devrais passer des castings. T'as allé faire Koh-Lanta, toutes les émissions de télé. Une chaîne YouTube, hein, tu feras un carton. je préfère Love in Fun. Écoute, franchement, Tony. Bon, après, il y a tous les gens ils sont policiers, qui sont dans l'armée. Il y a aussi beaucoup de métiers à risque où ça peut arriver aussi. Et pourtant, ils arrivent quand même à trouver quelqu'un, une femme, pour rester avec. Donc, je pense que c'est surtout une partenaire. Je pense que d'abord, faut certainement pas le cacher et mentir dès le départ, parce que ça, si elles s'en rendent compte plus tard, c'est encore pire. Donc, autant le dire tout de suite. Et au moins, elle fait avec, et de bien, bien, bien le débriefer dès le départ, et de dire, écoute, t'es vraiment sûr, machin, etc. Je pense que tu peux comprendre leur peur quand même, non? Ben, c'est ce que j'ai fait pour la dernière, par exemple, qui était une agent de sécurité de ma boîte également, et qui était réservée dans l'armée de l'air. Et voilà, le truc, c'est qu'elle, elle surveillait des sites qui n'étaient pas dangereux, elle s'en tournait au magasin, ou trucs comme ça, et puis même. Donc, dès le départ, je l'ai dit, quoi. Dès le départ, elle était au courant, et ça a fini à peu près pareil, quoi. Y a un moment donné, au bout d'un an et demi, deux ans, c'est le moment où on passe de amoureux à je t'aime et où on a envie de garder la personne et peut-être de passer sa vie avec. Et c'est un moment compliqué, savoir que l'autre prend des risques aussi forts que ceux que toi tu prends. Parce qu'en tout, ça fait 40 passages aux urgences en je sais pas combien d'années, en 7 ans, c'est ça? Ça fait beaucoup. Et tout ça, en plus, ça aurait pu aller plus loin, tu aurais certainement avoir des blessures beaucoup plus graves, ou y rester. Donc, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça fait beaucoup trop. On dirait presque que t'es pas fait pour ça, en fait, parce que t'as pas l'air si bon dans ton métier. Tu passes ta vie à l'hôpital. J'ai l'impression que c'est fait pour moi, Tony. Pourquoi tout le monde rigole? Dès qu'il s'agit de sauver les gens. Sécurité et tout, il y a du. Ouais, bien sûr. Et Tony, une chose est sûre. Franchement, c'est pas parce que trois personnes t'ont dit la même chose qu'il faut en faire une généralité. Mais moi, oui, je pense vraiment pas. Et là, t'es célibataire en plus. Mais c'est hyper dur de tomber sur la même personne, celle qui va tout accepter de toi, ta passion, ton métier. Enfin, tu vois, c'est aussi ça, tomber sur la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Si c'était aussi facile, c'est pas parce que toi, tu t'éclates dans ton métier. Eh ben, vas-y à fond. C'est grave. Vas-y à fond. Ta personne, tu vas pas te priver pour une personne qui n'existe même pas encore. Pour l'instant, vis ton truc. Et je pense que ça fait partie aussi du côté un peu séduisant chez un mec. C'est aussi que tu rencontres quelqu'un qui, en plus, fait une pratique qui lui plaît et dans laquelle il est bon. Je pense que ça fait vraiment partie de ta personnalité. Et ce qui fait que tes nanas aussi, elles t'ont kiffé avant. Parce que t'étais Tony, le mec qui risquait sa vie tous les jours et qui s'était pris une balle. Et ouais, mec. Ben, tu t'es pris des balles. Non, mais c'est ça, en plus. Ça rigole pas du tout. Ouais. Non, mais voilà. La chose qui est bien, c'est d'aller interroger le pourquoi ce métier-là et qu'est-ce qui t'intéresse. Tu dis bien, c'est le frisson, hein, c'est l'adrénaline. Bon, c'est maintenant, jusqu'où? Tu vois, jusqu'où est-ce que le besoin du risque et du frisson et de l'adrénaline peut t'amener? Est-ce que, bon, tu peux pas le trouver? Ce que t'as essayé là, par exemple, hein, parachutisme, etc. Est-ce que tu peux pas le trouver dans quelque chose qui est un entre-deux, où tu l'aurais quand même, mais peut-être un peu moins, avec un peu moins de risque pour tous les jours? À toi de réfléchir là-dessus. Et puis, surtout, de trouver la partenaire qui aussi acceptera davantage que les trois dernières qui comme elles l'ont fait. Hein, c'est peut-être un entre-deux. Voilà. D'accord, Tony. Pour l'instant, t'es jeune aussi. Souvent, c'est des choix qu'on fait un peu plus âgés. Hein, moindre risque. Profite, Tony. Là, t'es célibataire au final. C'est pas parce que à chaque fois tu t'es fait plaquer. Enfin voilà, moi aussi, je me suis fait plaquer. Hein. Et c'était pas forcément parce que c'était pas par rapport à mon métier. Non, mais tu vois, on se fait tous plaquer. Je veux dire, voilà, c'est dur de rencontrer la bonne personne. Et par contre, oui, si tu t'éclates, vas-y, fonce, Tony. Mais c'est bien de se remettre en question aussi de temps en temps et d'analyser, de prendre du recul. Mais c'est normal de faire ça, Tony. Ben ouais, mais c'est la dernière qui m'a vraiment remis en question, quoi, parce que bon, moi, après, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu con, mais chaque fois qu'on me proposait une équipe d'intervention où c'était plus risqué, j'étais pas bien. Et si c'est ça qui t'excite, vas-y, fonce, Montani. Oui, en plus.

Gaoline, Moonlight sur Fun Radio. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Tiens. Mais oui, je crois qu'on a une petite question à la con. Vous savez qui c'est, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et parfois même les questions les plus cons. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein, c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Et puis surtout, nous on est là pour donner toutes les réponses à vos questions. C'est un petit peu un défi, hein, parfois même quand Joe nous appelle 20 ans de Melun. Bonsoir Joe. Bonsoir. Salut. Salut Joe, c'est ton vrai prénom, Joe ? Oui, c'est mon vrai prénom. Et tu l'aimes ? Non. Justement, 86% des Français aiment leur prénom. 88% des Français. Oh là là, celui-là, hein. Ça va, je le fais exprès. Borné, hein. Et puis ça va, j'ai pas été sondé. Voilà, on sait pas si c'est la vérité ou pas. Joe, en attendant, ce n'est pas grave si tu n'aimes pas ton prénom, car je ne t'appellerai pas Joe, mais Joël. Ça te plaît ou pas ? Tu préfères ou pas ? Non, on va rester sur Joe finalement. Jonathan ? Parce que c'est un diminutif ou pas ? Non, du tout, c'est juste Joe. D'accord, ah bah ça va alors. Ouais, facile à écrire. C'est Joe quoi. Joe, comment c'est tu l'écris, Joe ? J-O. Oh, mais il y a des gens qui doivent t'appeler Joe. Non mais sérieux. Mais c'est sûr. Ah mais c'est pas Joe. Non mais Joe. Oui, j'ai eu droit à toutes les blagues possibles. Mais oui, c'est pas un prénom, c'est un bruit quand t'éternues. Joe. Alice éternue bizarrement. Ah mais non, j'allais dire un autre truc mais. Non. Ah bon, c'est quoi Alice ? Je sais pas. Je dirais c'est le bruit de mon vagin qui frotte contre un ballon de baudruche. Voilà, j'aurais pas dû. C'est original. J'aurais pas dû poser la question. En tout cas, il y en a qui s'éclatent le week-end. C'est pas quoi faire le week-end. Gina, créativité. Un ballon de baudruche. Et on passe. Joe. Voilà. C'est comme ça qu'on m'a appelé toute mon enfance. Comment Joe? Pourquoi? Ouais. Bah parce que ça va pas, Joe. Ça va pas, Joe? Pavajo. Ah ouais, d'accord. Alors, je suis arrivé dans le sud, ils savaient pas dire Pavajo. Ils ont dit oh, ça va pas, Joe. Ah bah on va t'appeler Joe. D'accord, ah, ok. Il y a pire, tu vois. Oui, tu vois, Joe, il y a pire. Il n'y a pas Vajo. Tu vois, c'est encore pire. Alors, Joe, quelle est ta question à la con ce soir? Alors oui, je voulais savoir si j'avale un chewing-gum, est-ce que je chie une bulle ? Ah mais ça c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que quand on pousse, on souffle quelque part du cul. Donc, est-ce qu'on peut faire des bulles ? Non, ça, je ne crois pas du tout. Ça, mais il faut quand même un effort. Je ne sais pas si tu t'imagines l'effort qu'il faut pour faire une bulle dans un chewing-gum. C'est si génial. Si tu arrives à faire ça avec ton intestin et ton rectum, bravo. Hein. Mais que devient le chewing-gum, Doc ? À partir du moment où on l'a ingéré et qu'on l'a avalé un chewing-gum. C'est particulièrement indigeste, ça ressort à peu près comme c'est rentré. C'est pas vrai. C'est vrai ? Ah ouais ? Ça reste pas. J'avais entendu dire ça se colle et tout, et t'as l'appendicite et tout, t'as plein de problèmes. Non, normalement, ça passe tout le péristaltisme, mais tu peux le chier. Exactement comme il est rentré. Voilà, si on chie le chewing-gum, tout va bien. Hey Joe, n'oublie pas de chier ton chewing-gum et tout ira bien. Écoute, je voulais juste demander une petite chose. Oui, oui, parce que j'ai un ami qui, lui, quand il chie, il pète en même temps. Oui. Oui, bah oui, c'est le principe. Donc, du coup, c'est le même principe, hein, il n'y aura pas assez de puissance. Ah bah non. Ah pour la bulle. Ah oui. Bah ouais, parce qu'il se retient toute la journée et les seuls moments où il pète, c'est quand il va chier. Donc du coup. D'accord, mais ouais, change d'amis, Joe, il s'appelle comment lui? Comment? Il s'appelle comment ton ami? Nico. Ah ben voilà. Ben écoute, désolé pour lui. Alors franchement, Nico, arrête tes conneries. Et Joe, toi tu reviens quand tu veux en tout cas, même pour une question encore plus con que celle-là. Hein. D'accord, Joe? Ok, pas de problème. Mais merci. Gros bisous, salut. Mon Joe. Salut. Salut à toi. Ciao, ciao, Joe. Et on va accueillir Kevin, 24 ans, de Paris, car Alice, on a eu pas mal de réactions sur des trucs sexuels qu'on a déjà fait quand on était sur la route en conduisant. Hein. On a reçu un message d'Elena. En fait, son mec kiffe quand elle le masturbe quand il est au volant. Du coup, on va parler de tout ça parce que bon, bah malheureusement, il faut pas trop le faire, mais elle kiffe quand même. Donc, il se touche sur la route. N'hésitez pas à nous appeler au standard 01 42 48 5000. C'est le numéro pour nous appeler. On prend toutes les réactions et juste avant, on se fait fédérer et contrôle. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. Try to catch my breath, my mind is in a maze. You should be on top of this, but you got me on the run. Now I'm tripping on your love. C'est le nouveau Feder sur Fun Radio et Control. De 22h à minuit. Love it fun. Du sexe. De l'amour. Et du fun. Sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi, tous les soirs en direct sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Karel. Doc est là. Alice oui également. Oui. Et puis beaucoup, beaucoup de réactions. Alice, on va parler d'un vrai sujet à réaction sur les trucs sexuels qu'on a pu faire quand on était sur la route. Et pire encore. En conduisant. Ah, c'est ça, c'est mal. Hein. C'est pas bien. Bien évidemment, c'est totalement interdit, mais il y en a plein qui le font. On a reçu un message d'Elena en fait sur le Facebook de Love in Fun et ils ont un petit kiff avec son mec, c'est que lui, il adore quand elle le touche alors que lui est au volant. Donc elle le masturbe sur l'autoroute, elle va même jusqu'au bout du truc, quoi. Donc c'est assez dangereux, mais c'est leur petit kiff à eux, donc bon, à éviter et de reproduire. Mais si ça vous est arrivé, bah dites-le nous maintenant que c'est fait. Hein. Bien sûr. Autant qu'on en parle. C'est ça, maintenant que c'est fait, il y a prescription, mais c'est pas bien. Non, mais voilà. Alors évidemment, faut rien faire de tout ça quand c'est dangereux. Quand on est sur la route. Ah oui. Bien sûr. Alors j'ai quand même envie de poser une petite question à nos amis les routiers, hein, qui sont un petit peu plus haut du haut de leur cabine et qui voient à mon avis beaucoup de choses et pas que dans les décapotables. Hein, si tu vois ce que je veux dire. Bah ça c'est clair. Amis routiers, appelez-nous. 01 42 48 5000. Si vous avez déjà repéré, voilà des, j'ai envie de dire des bandits sur les routes, des bandits sexuels. Hein. Des bandits. Mais bien sûr, Kevin le bandit. Bonsoir Kevin. Merci, bonjour Karel, Alice, Doug, vous êtes salut. Oui, bonjour Kevin. Alors, on fait des trucs un peu sales sur les routes? Un peu, oui, j'ai eu droit à une petite fellation sur la nationale. Sur la nationale, sur la nationale limitée à 90, tout à fait, j'ai pratiqué la fellation. Mais alors, tu roulais prudemment, Kevin? Ouais, j'étais au régulateur à 110 et puis... Régulateur pas à 110 déjà sur la nationale. Là. Bah non, sur la nationale, Karel, avec un terre-plein central, c'est 110, toi. Non, ah oui, avec le terre-plein central. Ah, terre-plein, ouais. Bah voilà. Non, mais arrêtez vos conneries. Non, non, national, pas 110. Si, c'est une connerie. Non, c'est 90. Voix. Oh là là, Karel. C'est 90. Non, mais attendez, excusez-moi. Non, mais attends, on est dans le débat. Vérifiez. Excusez-moi. Si c'est une double voie de chaque côté avec un terre-plein central, normalement, c'est 110. Ouais, c'est vrai. Normalement, voilà. Ah, bon, en fait, Kassim, cette année, il doit passer le brevet, mais toi, tu dois repasser le code. Hein. Alors, et Kevin, ouais. Kevin, en attendant, celui qui se fait sucer sur la nationale, c'est pas moi. Donc, toi, tu devrais même plus avoir de permis. Alors, ferme bien ta gueule. Justement, le beau gosse, il se fait sucer sur la nationale. Quoi. Mais moi aussi, je l'ai fait. Mais moi aussi. Moi aussi, j'ai sucé sur les nationales. Il est où cet exploit? Mais qui n'a pas sucé sur une nationale? Enfin, j'ai envie de te dire, c'est banal ce que t'as vécu, Kevin. Tu sais quoi, ta réaction, on peut même plus l'entendre, tu dégages. Allez. Ok, bah pas de soucis. Vas-y, Kevin. Oh, c'est le mec premier degré. Ok, salut. Non, désolé, Karel. Vas-y, Kevin, explique-nous. Alors, comment ça s'est passé cette histoire? Ah, bah voilà, donc j'étais en train de rouler. Et à un moment donné, ma copine commence à me caresser. Elle ouvre mon pantalon, elle commence à se pencher. Et puis, bah voilà. Et puis moi, du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre mes doigts. Hein. Ouais. Comment ça, je vais mettre mes doigts? Mais bah, où ça? Dans sa chatte. Ah, dans sa chatte. Mais tu peux pas conduire si tu mets tes doigts. Il y a le régulateur, donc avec la main droite, oh là là. Tu touches autre chose. Là, c'est hyper dangereux. Hein? Et t'as été jusqu'au bout? Non, pas jusqu'au bout. Ah, parce que là, c'est le moment encore plus dangereux, voilà. Quoi. Bien sûr. S'arrêter avant, quand même. Hein, ouais, ou t'appuies sur l'accélérateur. T'as pas été jusqu'au bout. Si la police vous croise et qu'elle vous voit, normalement... Bah, la police aussi, prend des photos, elle profite du moment. C'est, hein. C'est PV après. Ah, bien sûr, sauf si tu portes un gilet jaune, tout est autorisé. voilà, c'est important. Alors, Kevin, ouais. Kevin, reste avec nous, tu n'es pas seul à être un bandit sur les routes, un bandit sexuel. Anthony est avec nous, 25 ans d'Evreux. Bonsoir Anthony. Salut l'équipe, salut à tous. Salut Anthony. Alors avant de poser la question, est-ce que quelqu'un dans l'équipe a déjà fait des trucs sur la route? Oui. N'hésitez pas à lever la main. Alice. Bah oui, bah moi un peu partout, voilà. Fellation nationale, je connais. Doigtage rocade, j'ai connu également. Doigtage rocade. Je veux dire, il y a un moment, voilà. Ouais, moi je connais ce genre de choses. Par contre, on m'a jamais rien fait lorsque moi je roulais. Ah ouais, voilà. D'accord. Non mais c'est vrai. Non mais parce que pour l'instant je suis pas prête. Je suis encore permis probatoire et tout. Donc il y a un moment tranquille. Même si j'ai la voiture automatique, bien je sûr. Préfère éviter. Voilà, la musique pas trop fort, faut pas trop parler et surtout on ne me touche pas. D'accord. Mais c'est dangereux. Pas de pénétration autoroute. Ah non, bah non, bah c'est pour ça que j'ai pris la boîte auto. Enfin, c'est pour éviter tout ça. Elle est maline. Elle est très maline. Coco du standard, il t'est arrivé des trucs toi? Ouais, mais c'est une fois en fait, j'étais à l'arrêt. Donc je conduisais pas parce qu'à l'époque j'avais pas le permis. J'étais côté passager, je me suis fait sucer. Bah, j'ai cru que ouais, j'avais pas le permis. J'étais à l'arrêt. Ah, c'est nul. Bah oui, j'étais côté passager. OK, donc si vous avez une voiture en fait, c'est tout. Si vous avez une anecdote de merde comme Coco, ne nous appelez pas. Anthony, raconte-nous toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh bah plein de choses très intéressantes ma foi, c'est on avait un petit jeu avec mon ex quand on était au volant. Qu'on se faisait des cap ou pas cap ou des actions en vérité en fait. Donc ça passait le temps en fait et souvent ça dérapait très très loin. Donc c'est souvent quand on remet de soirée ou de chez ses parents, c'était un cap ou pas cap, tu retires ta jupe, un cap ou pas cap, tu retires ton string, un cap ou pas cap, tu me mets un doigt, enfin des trucs comme ça quoi. Ah et, bon ouais, c'est sympa. Bah ça détend en fait quand t'es au volant, t'es tranquille, t'as 110. Non, c'est interdit. Là. Je rappelle, je vais pas le dire à chaque fois, mais bien évidemment, voilà, et c'est, la sécurité routière, quoi. C'est très dangereux si on ne jouit pas. À partir du moment où tu commences à jouer, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Mais si tu ne jouis pas, ma foi, ça reste encore contrôlable. Alors, tu penses que c'est contrôlable. D'accord. Alors, c'est comme avoir un téléphone portable ou avoir du Bluetooth. Hein. Ça te déconcentre. On n'est pas forcément concentré. Voilà, c'est ça. Mais donc, pas pour conduire. On reste plus ou moins dans l'axe, quoi. Alors, j'ai deux choses. Rouler doucement aussi. Alors, c'est pas le. Alors, Doc dit Bluetooth. Et ah, bon oui, c'est la touffe. T'as dit ça, Doc? Redis-le. Il a dit ça. Vas-y, redis-le, Doc. Bluetooth. Bluetooth. Ah. Non mais voilà, j'ai juste tiqué là-dessus. Et après, Anthony. Alors ouais. Moi, je vais raconter du coup mon histoire. Et je vous invite à nous appeler, les routiers 01 42 48 5000. Ah, oui. Moi, je me suis déjà fait sucer au volant avec éjaculation. Ah, jusqu'au bout. Ouais, wow. Jusqu'au bout. Et voilà. Ah, ça c'est dur. Hein. Je n'en suis pas fier. C'était il y a quelques années et tout machin. C'est pas bien. Encore une fois, sécurité routière. Mais toujours est-il que voilà, la personne m'avait proposé d'égayer mon chemin. Hein, et, tu la connaissais cette personne? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une personne avec qui j'avais pas réussi à faire l'amour la veille. C'est vrai. Et le lendemain, je voulais rattraper le coup. Ça me faisait chier d'avoir rien fait, si tu veux. Donc c'était pas du tout ma copine attitrée. Je dirais plutôt que c'était un plan cul. Tu vois, okay. Et puis je la ramenais chez elle. Ouais. Et elle s'est dit, tiens, si je faisais une petite gâterie sur la route. Sympa. Alors déjà, moi, je suis plutôt d'un naturel stressé, pas comme toi, Anthony. Hein, et moi, j'avais une pensée pour les routiers, justement, qui sont en haut de leur cabine et tout. Et il y avait plein de routiers sur la route, etc. Et tu mets un manteau à ce moment-là, tu mets un manteau qui te couvre un minimum, et voilà, ils ne voyaient rien, t'es tranquille. Je ne pratiquais pas le manteau dans mon véhicule. La cape d'invisibilité. C'est ça, je n'avais pas non plus de cape d'invisibilité. Toujours est-il qu'elle a commencé à me faire une fellation. Hein, je trouvais ça très intéressant. Et donc, je suis un gentleman. Tu vois, Kingsman, quoi. Et je préviens la personne que je vais venir. Hein, donc, je commence à faire des petits bruits. Tu vois, c'est genre. C'est ça, tes petits bruits. On peut les refaire, s'il te plaît? Parce que le Bluetooth à côté, c'est rien du tout. Vas-y, refais-le, s'il te plaît. Oui. Bah, tu vois, elle le sentait. Petit mouvement de bassin. Voilà, l'éjaculation est proche. Après, voilà, les filles, hein, vous savez, quand un mec vient, généralement, vous sentez que voilà, il se passe quelque chose. Donc, voilà, je voulais prévenir la personne qu'il fallait qu'elle s'arrête. Et la personne a continué. Mais je pensais qu'elle avait compris le message. Donc là, je me suis dit, c'est Disney, c'est Hollywood. C'est la fête. C'est mon anniversaire. On va aller jusqu'au bout. Oh voilà, c'est Noël. On va aller jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout. La personne en fait n'avait pas compris mon signe. Du coup, elle s'est relevée. Elle avait, mais ça va. Elle est en plein la bouche. Et là, ça a été une explosion dans la voiture alors que j'étais toujours en train de rouler. Risque d'accident là. Hein. Risque. Je ne roulais pas vite, etc. Machin. Enfin voilà. Après, on s'arrêtait. Mais c'est clair que. L'éjaculation, franchement, c'est assez dangereux parce qu'on se retrouve l'espace de quelques secondes, Doc, dans un état second. Ah oui, complètement. Et voilà. En plus, quand c'est pas voulu, pas désiré, c'est encore plus risqué quand même. Oui, après là, c'était complètement désiré. Parce que mais sinon, quand tu le sais, tu peux complètement le contrôler et puis éjaculer tout doucement sans partir. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est bien évidemment quelque chose à ne pas reproduire. Hein, voilà, tout à fait. Et puis à faire tout le reste doucement au volant et surtout pas à des 100 à l'heure ou à des 90 à l'heure. Beaucoup trop risqué. On va aller jusqu'à dire que c'est totalement interdit, comme ça on n'aura pas de problème. De toute façon, il y a des PV sur la route. Absolument. Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir Karel, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir. Salut. Bonsoir Maxime. Maxime, t'es routier toi? Ouais, c'est ça. Ah. Moi aussi j'ai démarré mon bahut. Le routier. Combien de tonnes Maxime? 44. 44 tonnes, voilà, c'est une petite cabine tranquille. Il y a quoi dans ta cabine, Maxime, là, dans ta cabine de routier? Bon, il y a la télé, il y a tout ce qu'il faut. La petite couchette? Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui dort dans la couchette de temps en temps ou pas, Maxime? Non. T'es marié, non, toi? Je suis totalement fidèle. Non, je suis en couple. T'as 25 ans, Maxime? Voilà, c'est ça. Et ça se passe bien pour toi, le fait que tu sois routier et tout, que tu sois pas souvent à la maison? Ouais, bah justement, en fait, moi, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, il y a pas de routine qui s'installe. Et ben, moi, ma copine, elle est hôtesse de l'air. Donc, ce qui fait que quand on se retrouve, et ben, en fait, c'est explosif, quoi. D'accord. Donc, ça se passe genre super bien. Quand tu la vois, c'est toujours la fête, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, voilà. Dans ta cabine, est-ce que t'as déjà vu des trucs un peu chelous que les automobilistes? Voilà, justement. Ouais. Ouais. Donc moi, ça m'est arrivé, en fait, surtout particulièrement une fois, on va dire. Ça devait être des échangistes, je pense. Donc en fait, ils te doublent sur l'autoroute et ils te font un appel de phare, c'est-à-dire pour que tu les regardes. Ouais. Et en fait, ils se mettent à ta hauteur, ils avaient allumé le plafonnier. Et puis, en fait, la femme était totalement nue en porte-jartel dans la voiture. Bon, et ouais. Tu vois, s'occuper de son mari. Ah, putain. Donc moi, j'ai regardé même pas 10 secondes, je leur ai fait signe de partir parce que ça allait pas, quoi. D'accord. Il commençait à partir un peu sur la gauche, quoi. Ah putain, si vous voyez les routiers qui font des petits zigzags, vous inquiétez pas. Ouais, bah après ils ont été sur les camions de devant, bah les autres ils devaient se rincer l'œil, mais moi ça m'a pas du tout intéressé. Mais c'est vrai que c'est des. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que tous les routiers qui nous écoutent, ils pourront en témoigner. En fait, c'est-à-dire que surtout, on va dire sur l'autoroute, les aires de repos où t'as pas de café, où t'as pas tout ça, il se passe des choses bizarres. On va dire la nuit. Ouais, donc, c'est souvent sujet à des rencontres un peu particulières, quoi. Ouais, tout à fait. On communique avec des appels de phare, deux appels de phare, ouais, tu rentres dans ma voiture. Ouais, je connais. Voilà. Et trois, tu rentres dans mon cul, quoi. Ah ouais, Maxime. Mais il vaut mieux que ce soit à l'arrêt une aire d'autoroute qu'en roulant. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ah mais oui. Bon, après, surtout aussi, il y a beaucoup d'homosexuels. Oui. Maintenant, c'est vraiment très fréquent. Comme ce matin, moi, je me suis arrêté. 8h du matin, à Nantes, il faisait 2 degrés. Et c'était 10 autour des toilettes à tourner en rond. Donc c'est vrai que c'était un peu particulier. Qu'est-ce qu'ils faisaient autour des toilettes à 8h du matin? Ils cherchaient, ouais, je sais pas, ils se cherchent. Souvent des commerciaux, des choses comme ça. Et une profession. Des fois, j'ai un taxi. Ouais, voilà, des professions comme ça. Ah ouais. Et puis, bah, ils assouvissent, ouais, leur... Genre à 8h du mat, aire d'autoroute, il y a plein de personnes qui sont autour des chiottes, ils rentrent dans les chiottes, ils se font des petites pipes, voilà. Ça. Quoi. Il y en a qui ont même fait des trous, de façon à ce que toi, par exemple, tu connais pas, tu y vas, et ben ils te regardent, par exemple. Voilà, des choses comme ça. D'accord, c'est ok. C'est particulier, ouais. Ah, je connaissais les trous, tu sais, dans des bars et tout. Je sais pas si tu connais ça. Genre au fond, genre tu te mets Glory derrière. Hall, non ouais, Glory Hall, ouais, c'est ça. Genre tu mets ta bite dans le trou bien. Et puis tu sais pas qui c'est qui te suce derrière. Ouais, c'est ça. Ah voilà. Chose, hein. C'est ça. Ah ouais. Ah, mais ouais, c'est vrai que c'est. Et ça dans les chiottes publiques, assez... putain, ça donne pas envie. Hein. Putain, les mecs. Non, non, non. Donc c'est pour ça, faut surtout privilégier les aires où voilà où il y a le café, où il y a tout ça, quoi, où il y a des stations. D'accord. C'est un peu. Et Maxime. Maxime, oui. Le truc qui t'a le plus choqué, toi, en tant que routier, que t'as pu voir, que t'as pu entendre Le plus choqué, ouais, c'est une fois, donc j'étais arrêté, je suis en train de manger mon sandwich, ouais. Et un homme est passé, donc c'était un taxi, et en fait, il était en train de se masturber, et il m'a dit, est-ce que tu veux que je vienne en faire une, quoi. Donc, ah. Ouais, il avait à peu près, on va dire, 60 ans. Ouais, ça m'a, j'ai lâché mon sandwich, et puis... Et j'étais dégoûté, quoi. J'ai lâché mon sandwich. Ah bah voilà. Ah ouais. Bon, t'as proposé une petite branlette, Maxime. Mais comme on dit, Karel, tu vois, s'ils le font, c'est qu'il y a des mecs qui y vont. Ah bah oui. À partir du moment où des mecs iront plus, bah ils arrêteront. Mais bon. Après, c'est. Ouais, c'est dans la nature, hein. Après, ce qu'il faut parler aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui plein d'hommes qui sont totalement hétérosexuels, on va dire, quand ils rentrent chez eux, mais quand ils sortent, c'est assez particulier, quoi. Ah bah oui, il ouais, bah y a plein de bisexuels, moi, ça existe. Avec, parce que moi souvent je m'arrête sur une aire où je suis obligé de m'arrêter et c'est un endroit où il y a énormément d'homosexuels et j'ai vu des mecs avec les sièges auto derrière qui venaient déposer leur gamin à la crèche, quoi. Et après ils vont là-bas. Ils se font plaisir. Ils ont bien raison. Le petit jardin sacré. Ah oui, non, mais après, il n'y a pas que des homosexuels. Hein, parce que là, il y a plein de bisexuels. Oui, bah, ah bah, bien sûr. Et des hétéros. Disons, et... disons que la journée, ouais, ça va plus être les homosexuels et la nuit, ouais, ça va être. Ah, t'es bien au courant, on dirait que tu fais les plannings. C'est ça. Il est planeur. Et Maxime, merci en tout cas d'avoir. Ma petite expérience. Eh ben, merci beaucoup, Maxime. Et merci de nous écouter tous les soirs. Tu veux passer une petite dédicace, faire un. Un petit message, toi, non. Maxime. Non, ça ira. Eh ben, merci ouais. Vous écoutez, c'est un grand bonheur, parce que c'est vrai que le temps, il passe vite avec vous. Et voilà, il continue comme ça. Eh ben, nous aussi, ça passe vite, franchement. Gros bisous, mon Maxime, merci de nous écouter. Salut merci à toi. Karel, à bientôt. Salut, gros bisous. Et je remercie également Kevin et Anthony. Ne les croisez pas sur la route. Hein. Ils sont toujours en érection, les mecs. Salut. Toujours. Salut Kevin. Salut. Salut Anthony. Non. Salut Kevin. Salut Anthony. Salut. Ciao à tous les deux. Restez bien avec nous dans un instant sur Fun Radio. On va prendre des nouvelles demain et qui nous avait appelé dans l'émission et qui nous avait dit voilà, je suis sur le point de craquer et j'ai envie de me suicider. On prendra des nouvelles d'elle d'ici quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Elle va mieux, ne vous inquiétez pas. Et puis on va revenir avec Sound of Legend et All That Sucked Down. À tout de suite les amis. Suivez-nous sur Facebook. La page Le Cette semaine, oui. Écoutez Fun Radio non-stop. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun avec deux tubes de Jonas Blue mixés à la suite, j'ai entendu le double fun. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio au 3228. Et vous gagnez votre PS4 Slim. Et le jeu événement Red Dead Redemption 2. Oh là là là là. Le double fun, Jonas Blue.

avec plein plein de trucs à offrir. Donc allez follow donc Socharme Paris et puis restez connectés sur l'Instagram de Love in Fun. On va vous mettre une petite publication. Il suffira d'aller liker, d'aller follow Socharme et d'inviter des amis pour participer. Et puis on vous régale avec des bijoux quoi. Il y a des bijoux, il y a des montres. Toi tu t'es fait kiffer d'un coup aussi. On va pas se le cacher. On a même eu des montres Socharme. Doc, il a pris la montre à Gousset. Ouais. Elles sont magnifiques. Je suis passé du côté. Du côté médecin quoi. C'est ça. Mais t'as toujours été du côté médecin, Doc. Faites-vous plaisir. Allez voir le site hein, socharme.fr. En plus, on vous a négocié 50% de réduction avec le code LOVEINFUN. Hein, c'est un truc attaché. De ouf. Hein. Surtout ouais. Avant Noël, là et tout, 50%, faut y aller. Il y a de quoi se faire des beaux cadeaux. Profitez, faites-vous plaisir. Socharme Paris sur Instagram et socharme.fr pour le site internet. On va prendre des nouvelles de Marie. On est tellement content d'avoir Marie au téléphone. Ah Marie, oui. 22 ans de la Vienne. Bonsoir Marie. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut Marie. Bonsoir Marie. Marie qu'on entend avec le sourire. Et ça fait vraiment plaisir. Marie qui nous avait appelé il y a maintenant quelques semaines. Hein, on va parler d'un moment qui n'a pas été facile, hein, Marie. Et crois-moi bien, Marie, qu'on n'a jamais eu autant d'appels, autant de réactions, autant de personnes qui voulaient absolument avoir de tes nouvelles. Parce que c'est ça, Love in Fun. C'est une vraie communauté. Quand il se passe quelque chose à l'antenne avec un auditeur ou une auditrice et que ça se passe pas bien, parce que là, tu nous avais appelé, tu avais envie de te suicider, Marie. Et tu nous avais parlé de ton enfant qui avait 7 ans, qui était juste à côté. Enfin, nous, voilà, forcément, on a tout fait, tout tenté pour te faire comprendre que c'était une connerie, hein, parce que c'était vraiment une connerie, et surtout on a essayé de t'aider au maximum. Tu vas nous tenir au courant. Pour ceux qui n'étaient pas là justement ce soir-là, je vous propose de réécouter cet appel de Marie qui était dans une détresse absolue. C'est Coco qui nous a dit que tu avais envie de te suicider ce soir, Marie. Qu'est-ce qui se passe? Oui, en fait j'ai eu beaucoup d'histoires dans ma D'accord. vie. D'accord. Ah, t'as un enfant, Marie? Oui. Il a quel âge? D'accord, donc tu as eu ton enfant à 15 ans. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ça va pas bien ce soir? En fait, voilà, ça remonte à loin, on va dire. Oui et non. En fait, j'ai eu une enfance où elle n'a pas la meilleure des enfances. Quand j'avais 13 ans, c'est mon grand frère qui m'a violée. Il avait quel âge, lui? Il doit avoir 9 ans de plus que moi. D'accord. C'est atroce que ça a vécu, Marie. Et ça, et il l'a reconnu? Oui. Il le reconnaît envers toi, au moins? Non. Non, en fait, quand c'est arrivé, je suis quittée de ma maison. Parce que c'était dans une période où ma mère avait son nouveau copain. Et donc, elle était tout le temps chez lui. Mon père, sur cette période, il n'était pas vraiment là. Et donc, ce soir-là, il y avait moi et mon grand frère. Et quand c'est arrivé, donc j'ai fugué. Et ensuite, toute l'histoire s'est retournée contre moi parce que ma mère ne m'a pas cru. Et elle a été en colère parce que j'avais fugué en paix. D'accord, elle n'a pas compris, quoi. Et ton père, lui, il t'a écouté? Il t'a entendu? Mon père, il est vieux. Mon père, il se mêle pas de tout ça. En fait, il n'arrive pas à gérer. Donc, lui après, je lui en veux pas. Mon père, c'est la prunelle de mes yeux. Mais... On lui demande pas de gérer obligatoirement, mais au moins qu'il t'écoute, qu'il t'entende, qu'il t'accepte et qu'il dise oui. Est-ce que ça, tu as son oreille? Pour ça, pour ce sujet-là. Mon père, on peut pas. Mon père, il a... On va dire que on peut pas lui en vouloir, il a pas d'oreille sur tout ça, en fait. Tout est géré par ma mère, c'est vraiment compliqué, en fait, et c'est ma mère qui fait tout, en fait, qui décide de tout, qui décide de comment mon père doit réagir ou pas. Est-ce que tu en as reparlé à ton frère? C'est quoi vos liens et vos rapports en ce moment avec ton frère? En fait, mais non, je ne parle plus, en fait. Quand on se voit, il me dit bonjour, genre, ça s'est jamais rien passé, en fait. Et je sais, et j'en avais parlé avec ma sœur. Oui. Et elle aussi, elle a été violée par mon frère, tu vois. Elle aussi. On ne l'a pas cru. Ok, bah alors là, vous êtes deux. Elle a quel âge, ta sœur? Elle a 3 ans de plus que moi. D'accord. Donc, elle a 27. Est-ce qu'elle a réussi à en parler à quelqu'un? Est-ce qu'elle a porté plainte? Est-ce qu'elle a vu des associations? Est-ce qu'elle a des copines? Est-ce que... Non, en fait, elle, ça m'a un peu fait depuis qu'elle a son copain qui l'a, qui ouais. l'a aidé à tout gérer. Oui, elle a eu un soutien et c'est voilà. ce dont tu as besoin. C'est pour ça que tu fais bien de nous appeler, Marie, ce soir. Est-ce que tu as des gens autour de toi? Tu es où là déjà? Parce que tu nous appelles en pleurs, mais où es-tu? C'est moi, je suis dans ma salle de bain. Tu es toute seule chez toi? Non, c'est mon fils, mais il dort. Il y a ton fils qui est là, qui dort. D'accord, bon. Alors tu vas pas faire de bêtises ce soir, Marie, hein? C'est justement pour ça que j'appelle. T'as bien fait de nous appeler. On va prendre tout ça en charge, Marie. On va pas te laisser toute seule comme non. ça face à toutes ces... Tout ça. Donc t'as fait le bon numéro de téléphone. À partir de maintenant, on va t'aider. D'accord, Marie? Donc on va te soutenir dans les différentes démarches que tu vas devoir faire, parce que je pense que c'est important de dire un doc et de porter plainte, parce que à 22 ans et même à tout âge, quand on a été violé, on peut porter plainte et c'est important de le faire. Bien sûr, la prescription, c'est je sais plus combien c'est, mais c'est très très long. Donc il faut le faire, quel que soit le temps qui s'est écoulé. Et puis si c'est pas ça la première étape que tu fais, mais c'est en parler à une association, c'est en parler à un groupe de filles, c'est en parler à des femmes aussi qui ont subi la même chose, ça peut être ça, c'est pas très grave. Le tout, c'est que ça ne reste pas en toi, ou que tu vois une thérapeute. Il faudra voir la solution que toi, tu préfères pour là tout de suite, mais il faut que cela sorte de toi. Déjà, t'appelles. Donc ça veut dire que t'es en train de faire un pas parce que tu veux plus garder ça en toi. C'est trop lourd pour toi, bien évidemment. Donc, en vrai, en fait, c'est en train de gâcher. Bien sûr. C'est en train de gâcher la seule relation que j'ai pu, qui aurait pu m'aider aujourd'hui. Je l'ai perdu ce soir. Tu veux dire que là, ce soir, t'as perdu ton petit ami, c'est ça, à cause de toutes ces histoires? Oui, on va dire que j'ai perdu celui que j'aimais, en fait. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, toutes ces histoires, en fait, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Après, la personne que j'avais le plus confiance à ce moment-là, c'était le père de mon fils. Et c'était avec lui que j'avais fugué et tout. Oui. Mais là, il est arrivé que la dernière fois où on s'était vu, en fait, lui-même, il m'a forcé, en fait, à faire l'amour. Donc, il t'a violé. Voilà. L'homme que t'aimais t'a violé. T'as une vie vraiment très très difficile, Marie. Et vraiment, voilà, on va. C'est trop 22 ans, ça fait beaucoup. En fait. Mais bien sûr, et c'est beaucoup trop pour n'importe qui. Et t'as pas à subir tout ça. Et je pense que ce qui est aussi par-dessus tout, très difficile pour toi, c'est que tu n'es pas reconnue comme victime aux yeux de ta mère, mais tu es reconnue voilà. comme coupable et celle qui a fait des vagues dans la famille, celle qui a fugué, tu t'es fait engueuler pour tout ça et tu n'avais pas à subir Exactement. Ça et encore moins à cet âge-là. Donc tu es victime, tu n'es pas coupable de tout ça. Nous, on va t'aider et il faut vraiment que tu sois reconnue comme une victime aux yeux de la loi, aux yeux de tes parents, aux yeux même de ton frère. Et tu ne peux pas rester comme ça. Tu as un enfant, je pense que même pour lui, tu peux... Pense aussi à lui, pense à tout ça. Et il y a plein de choses auxquelles il faut que tu te raccroches. Vraiment, Marie. Il y a Alexandra aussi qui veut parler. Elle a 25 ans, elle est de Lyon. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir. Salut, Alexandra. Marie, Marie tu nous entends bien, hein, Marie? Oui. Alexandra, on te laisse avec Marie si tu veux lui parler. Ouais, salut Marie. J'ai pas entendu la totalité de ton témoignage parce que j'étais en voiture. Mais en fait, je t'appelle, c'est pour te dire que... Alors, j'ai été violée. Par mon oncle, par mon père, par mes frères et sœurs, pendant à peu près toute ma vie. Et en fait, c'est pour te dire qu'on s'en sort. On s'en sort, on finit par s'en sortir. Il y a des associations qui sont extraordinaires. Il y a une association d'aide aux victimes d'inceste. En fait, moi, je m'en suis sortie parce qu'un jour, j'ai mis le mot sur ce que j'ai vécu. J'ai pas vécu des viols, j'ai vécu de l'inceste. Et en fait, c'est quelque chose qu'on nous dit pas et qui fait que le traumatisme est d'autant plus difficile parce que c'est des personnes de confiance. Oui. Non seulement de confiance, mais c'est notre chair et notre sang. Et ce qui fait que... Il y a une aide d'association aux victimes d'inceste. Je me rappelle plus du nom exact, mais je les ai trouvés sur Internet. On va le trouver. Alexandra, je sais pas si tu avais entendu. En fait, Marie nous a dit qu'elle avait été violée par son frère et que son frère avait également violé sa grande sœur. Voilà. Tout à fait. Son frère qui a 9 ans de plus qu'elle. Ouais, ouais. Voilà, tout à fait. J'avais entendu la fin, en fait, donc j'avais cru comprendre ça. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est très difficile pour nous de se remettre du traumatisme et de refaire notre vie, c'est que non seulement c'est des viols, mais c'est surtout c'est de l'inceste. C'est-à-dire que psychologiquement et physiquement, alors je dis pas que c'est plus dur qu'un viol, mais moi je l'ai senti comme ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a appris à ne plus faire confiance à personne, et c'est ça qui est très dur. Mais ce qui m'a aidé moi, c'est finalement, alors au début ça paraît un peu bizarre, on parle de résilience. En fait, c'est accepter ce qu'on a vécu, non pas que ce soit acceptable, mais dans le sens où de dire voilà, je l'ai vécu, ça m'a détruite, mais je me reconstruis avec ça et je suis plus forte que les autres grâce à ça. Ouais, exactement ça. Et j'ai fait des tentatives de suicide aussi. J'ai eu des périodes où j'avais personne autour de moi qui était au courant, qui pouvait m'aider. Et en fait, j'ai appris à en parler, parfois à des inconnus, parfois à des associations. Il faut aller voir aussi les centres médico-psychologiques, parce que quand on n'a pas les moyens de voir un psy, eux, ils peuvent te faire des consultations gratuites ou des consultations à 5 euros. Et du coup, tu peux tout leur dire et vider ton sac. Et ils sont là pour ça. Ils sont pas choqués parce qu'on leur raconte, parce que c'est leur métier. Et ils sont là pour ça. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est en parler. L'écrire, si tu veux écrire, essayer de lever la censure, essayer de mettre des mots sur ce que tu as vécu. Et surtout, accroche-toi pour ton gosse, quoi. Parce que ton enfant, il a besoin de toi. Et il a une maman qui est extraordinairement forte, même s'il a tout de suite, tu as l'impression de ne pas l'être, parce que tu pleures et parce que tu penses à faire des conneries. Tu es extraordinairement forte, ne serait-ce que d'avoir appelé l'émission et d'avoir raconté ton histoire. Et il faut tout le temps garder ça en tête, c'est que si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est que tu es une des personnes les plus fortes qui existent sur cette terre. Bravo Alexandra. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a, tu le montres et tu le prouves, il y a une vie après. On n'est pas obligé de rester avec ça toute sa vie, et que ce soit, parce que c'est ce dont Marie a peur, hein, c'est de rester enfermée là-dedans, et c'est pour ça qu'elle est venue en parler, parce qu'elle veut se sortir de ça. Et ça, c'est déjà tellement positif que c'est le début de la route, du chemin, du processus qui prend un certain temps, et t'as donné vraiment de très bonnes clés. La résilience, c'est le début. Elle est en train de faire le processus de résilience là. Donc maintenant, faut l'accompagner. Exactement. Moi, je me disais, Marie, peut-être qu'il faut que tu trouves quelqu'un pour aller avec toi, si c'est pas facile aussi. C'est pas facile de porter plainte. Peut-être que quelqu'un peut t'aider pour aller au commissariat, venir avec toi, que tu sois pas toute seule, que quelqu'un vienne avec toi aussi dans les associations de femmes violées et d'un inceste, voilà, que tu ne sois pas toute seule pour y aller. Je me doute que c'est certainement difficile pour toi de faire le pas toute seule, mais il peut y avoir peut-être dans tous les gens qui écoutent et tous les gens qui réagissent, des gens qui pourraient t'accompagner pour y aller. Oui, je voudrais ça. Oui. Bon, voilà ce qui s'était passé il y a maintenant quelques semaines, hein. Ça passe très très vite. Ah, c'était vraiment fort en émotion, ce qu'on avait vécu, et on était vraiment de tout cœur avec toi. Marie, plusieurs semaines se sont écoulées depuis cet appel. Comment ça va aujourd'hui, Marie? Alors, là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je tends déjà à vous remercier, à remercier toute la radio, à remercier les auditeurs, avec ceux qui m'ont laissé un bon message et tout. Et franchement, vous êtes tous au top. Bah, et grosse communauté Fun Radio, grosse communauté Love in Fun, forcément. On a beaucoup parlé de toi, hein, tu sais, même entre nous, ou même avec d'autres animateurs qui écoutaient la séquence, si tu veux, quoi. Et c'est vrai qu'on sentait que tu étais tellement à bout que, enfin voilà. Il fallait faire quelque chose pour toi, quoi. Complètement. Et qu'est-ce que tu as mis, toi, en pratique? Alors forcément, tu as eu beaucoup de soutien de la part de tous les auditeurs, des gens aussi, j'imagine, autour de toi, qui n'étaient peut-être pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis cet appel, Marie? Alors voilà, j'ai envoyé déjà le replay à mes sœurs et à celui que j'aime, justement, là. Ouais. Pour leur montrer en fait voilà ce que je voulais pas leur dire. Et bon, ils sont revenus vers moi, voilà, on en a parlé et tout. Ma sœur m'a dit qu'elle non plus, voilà, elle n'oubliait pas, voilà, que ça revenait à elle aussi souvent, quoi. Bien sûr. Et qu'elle essayait de passer au-dessus. Sauf que elle aussi, elle aura peut-être besoin, hein, de faire la même chose que toi, c'est-à-dire de commencer à prendre les choses en main, quoi. Oui. Ah, ça, voilà. peut-être que ça prendra peut-être plus de temps pour elle, mais une fois que toi tu te sentiras peut-être déjà un petit peu mieux, ce qui a l'air d'être le cas d'ailleurs, Marie, hein, tu peux aussi l'encourager à suivre tous les conseils qu'on a pu te donner avec tous les auditeurs et avec Doc. Parce qu'il n'y a pas besoin voilà, d'attendre moi que... Moi, déjà, essayé de, voilà, de m'en sortir et, ouais. Et voilà, pour lui montrer voilà, quoi, s'il y a une voie en particulier à suivre, lui faire voir comment moi, je me suis sortie de ça et oui... Bien sûr. Et là, parce que Marie, il y a une chose, hein, il ne faut pas attendre d'être dans l'état extrême dans lequel tu étais l'autre fois pour faire cette démarche et pouvoir s'en sortir mieux. Le mieux, vraiment pour toutes les femmes qui peuvent entendre et qui ont vécu des choses comme ça, c'est vraiment tout de suite, sans attendre, de faire une démarche, celle qui va, que ce soit porter plainte, que ce soit avoir une association, aller dans un CMP, voir un thérapeute, peu importe, mais c'est faire quelque chose pour pas rester toute seule avec ça, et donc et ne pas attendre que ça aille très très très très mal comme toi tu l'étais au bord du suicide. Hein. Et donc si ta sœur pouvait comprendre ça... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec toi, c'est ça qu'il faudrait que ta sœur comprenne. Oui, mais bon, voilà, c'est encore une autre mentalité, donc c'est un peu plus difficile. C'est à son allure. De toute façon, voilà. De toute façon, dans un premier temps, ouais, c'est... Vas-y, Marie. Toi. Voilà, moi de mon côté, j'ai appelé la CMP du coup de ma ville, mais comme il y a beaucoup de demandes et qui travaillent qu'un seul jour par semaine, donc j'ai eu un rendez-vous que le mois prochain, en fait. C'est quoi ça, Doc? Le centre médico-psychologique. D'accord. Donc, voilà. Tu vas avoir un rendez-vous, c'est ça, Marie? Oui, j'ai pris un rendez-vous pour le 4 décembre, là. Ok. Bien. Et en fait, voilà, j'attendrai de voir en fait ce qu'il va me dire. Parce que, en fait, je veux plus retourner dans l'état où j'étais. Donc là, en attendant, je fais mes choses de mon côté. J'essaie de voir tous les points. J'ai mis comme... Alexandra Aziz, si je n'oublie pas. J'ai mis par écrit, voilà, j'ai mis toute mon histoire par écrit, ça m'a fait du bien. Bien. Et puis voilà, quoi. Et ben voilà. Mais c'est le début, ça, Marie, et surtout, ça t'a permis enfin d'en parler. Et c'est vraiment le premier pas, quoi. Comme tu l'as dit, tu l'as fait sur Fun Radio, t'as fait écouter le replay à tous tes amis, tous tes proches. Ah voilà, il n'y avait pas besoin de redire les choses, juste qu'ils écoutent ce qui s'était passé à l'antenne. Et, voilà. Et forcément, ils ont réagi, et j'imagine avec beaucoup d'amour, Marie. Nous, on te souhaite que le meilleur, et on continuera à prendre des nouvelles de toi pour te suivre et pour voilà, connaître un petit peu la suite de cette histoire, Marie. Merci, je vous remercie vraiment. Merci à toute l'équipe, merci à tous les auditeurs, ceux qui ne jugent pas. Bien sûr, et c'est important, précise. C'est important que tu le dises. Non, mais après, si tu fais, bon, voilà, tu sais, des commentaires, c'est toujours pareil. Hein. Il y a toujours deux, trois connards qui ont ça à foutre et qui vont foutre un commentaire juste pour faire parler, pour faire mal à la personne. Mais c'est facile, débile. Derrière l'écran. Oui, non, mais voilà, on s'en fout. Tu vois, et ce qui compte, c'est surtout les gens qui comptent pour toi. Et puis, voilà. De voir aussi tous ces messages de soutien incroyables, quoi. Et c'est ça le principal. Bah, merci beaucoup, Marie. En tout cas, tu nous tiens au courant, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci à vous. On t'embrasse fort. Salut, Marie. Salut. Gros bisous à tous. Gros bisous, Marie. C'est tellement, tellement agréable de l'entendre avec du sourire, quoi. C'est génial. Il faut se battre, hein, ça, c'est sûr. C'est pas facile. Mais rien qui est facile de toute façon. Merci beaucoup, en tout cas, à Marie. Voilà, on prendra de ses nouvelles. À très bientôt. On t'embrasse très fort, Marie. Gros bisous. Gros bisous à tous. Salut, Marie. Salut. Et on va accueillir Thomas. Thomas, 23 ans de Paris, là, sur Fun Radio. Bonsoir, Thomas. Salut Karel, salut toute l'équipe. Salut Thomas, on va parler de quoi avec toi dans un instant, Thomas? Alors moi je vous appelle parce que ma meuf elle veut me sucer avec un glaçon. Ah oui, d'accord, ok. Sympa. Et avec un glaçon, ok. Bah, oui, ça se fait. Ah ouais. Ah bah bon, on m'a jamais fait ça, moi. C'était cool. L'ice pipe, dans un instant, on en parle avec Thomas. Et voici Sound of Legend, All But Suck It Down, c'est Fun Radio. Heath Legend, All That Suck It Down sur Fun Radio. De 22h à minuit. Love in Fun partout sur les réseaux sociaux, bien sûr, le compte Instagram. Alors on vous a mis un petit concours sur le compte Instagram de Fun Radio. Vous répondez en mettant votre petit prénom et vous serez automatiquement dans le tirage au sort. On vous demande quel est votre prénom et on vous demande aussi si vous kiffez votre prénom. Il y a 88% des personnes qui ont été interrogées en leur demandant est-ce que vous aimez votre prénom, qui disent oui. Et donc moi je serais intéressé encore une fois pour avoir des personnes qui n'assument pas du tout leur prénom. Hein, ce serait pas mal ça. N'hésitez pas à nous appeler au 01 42 48 5000. Il faut aussi absolument que vous alliez checker la magnifique page YouTube de Love in Fun. On vous met régulièrement des photos, des vidéos pardon, hein, parce que sur YouTube les photos ça marche pas. Hein, mais on vous met des petites vidéos et on vous a là mis ce week-end la vidéo de Kevin qui nous a raconté le jour où il a appris qu'il était cocu, mais pas cocu comme ça quoi. C'est trash, genre un truc un peu trash. Sa copine était en train de se taper trois mecs dans un garage. C'est chaud. Ah, mais c'est chaud. Exactement ce qui s'est passé. Ah ouais. Et il nous a raconté quand il avait un de ses potes au téléphone qui était en train de lui dire ah ouais, là, elle est en train de sucer Michel. Il était comme un dingue. Si vous voulez revivre ce moment-là sur la chaîne YouTube, bon, il y avait prescription depuis. Hein, il nous racontait ça avec un petit. Voilà, c'était pas le truc qu'il vivait au moment où il nous appelait quoi. Mais une histoire qui l'avait marqué hein, de ouf, on peut le comprendre. N'hésitez pas, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Love in Fun. Dans un instant, on sera avec Thomas, 23 ans de Paris. T'es là, mon Thomas ? Salut Karen, salut toute l'équipe. Salut. Salut Thomas. On va parler de glaçons, c'est ça ? Exactement, ma meuf veut me sucer avec un glaçon. L'ice pip, restez avec nous. On aura aussi Rémi, 25 ans de Metz. Salut Rémi. Salut Karen, salut toute l'équipe. Salut. Parce que je suis complexé à cause de ma couronne perlée. Complexe sur la couronne perlée, ces petits boutons sur le gland. Ça. Et puis Hugo, 21 ans de Toulouse. Salut Hugo. Salut Karen, salut toute la famille. Salut Hugo. Bienvenue dans la famille. C'est la famille. Hugo. C'est la famille. Ouais. Hugo, t'appelles pourquoi toi? Alors moi j'appelle parce que j'ai pris de l'expat ce week-end et j'aimerais connaître les dangers et les effets sur le corps à long terme. Ah d'accord, ah, t'en as pris ce week-end là. Ouais. D'accord. Bon bah reste avec nous, Hugo qui tripe forcément, il a pris de l'extase ce week-end, il veut connaître les conséquences, on vous dit tout. Et on vient avec Lude et Missing You, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LoveInFun. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Eh ben... Voilà. Merci beaucoup. Et ben de rien, tu m'as envoyé une facture de 359 €. De quoi s'agit-il? J'ai acheté une bague pour demander ma copine au mariage et donc elle a dit oui. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Eh bien tu sais quoi, je te paye cette bague de fil. Merci beaucoup, franchement merci beaucoup, c'est trop génial. Je suis trop content. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Hey les gars, vous vous souvenez le film Monde 16 qu'on a vu? Ouais, je sais, j'avais dit que c'était trop cool, mais la fille qui se fait violer dans le vestiaire, ça m'a choqué. Je revois les images, je m'énerve pour rien, même en cours. Hein. Depuis, j'ose plus parler à une fille. Mais bon, ça je vous le dirai jamais, vous allez trop vous foutre de moi. Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Elle a l'air neuve ta Mini, t'es sûr que tu roules avec? Mais c'est que je l'entretiens bien moi. Oh, c'est impressionnant. Bah oui, je la fais entretenir chez Mini Service et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon? Bah oui, et en plus je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine? Mais tout à fait. Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre Mini a plus de 5 ans et profitez de 50 € de remis supplémentaires pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mini. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. Fun Radio présente la soirée Party Fun Club. Salut tout le monde, c'est Adrien Thomas, je vous retrouve près de chez vous pour une énorme soirée Party Fun Club. Samedi soir, retrouvez le DJ Fun Radio Adrien Thomas au complexe Destino Mix à Estrablin, à côté de Vienne, avec Fun Radio. De 22h à minuit, Love It Fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Braving the night cause I can't sleep. Thinking about you, or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you, or thinking about how I know you had to go. song. I keep missing you too much. I keep missing you too much. I keep missing you too much. I know you told me to be stable and live without you, live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you, can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. Baby, when I hear you whisper after the talk, I keep missing you too much, you too much. I keep missing you too much, you too much. I keep missing you too much. Missing You sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. 22h minuit sur Fun Radio. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. L'émission s'appelle Love in Fun. C'est de 22h à minuit. C'est vraiment une émission, il n'y a pas de tabou. On peut venir tout dire ici. Nous-mêmes, on dit tout. Parfois, quand on rentre chez nous, on se dit pourquoi. J'ai été jusqu'à dire ça. Pourquoi j'ai dit ça? C'est vrai. Non, c'est vrai. Alice vous a parlé de Dice Pipe, par exemple, oui, ce soir. La pipe au glaçon. Et on va en parler de Thomas, justement, avec Thomas, 23 ans de Paris. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir, Thomas. Alors, ta nana t'a fait une proposition indécente. Un petit peu, ouais. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble et du coup, on cherche de nouvelles choses, on va dire. Alors, vous voulez pimenter votre vie sexuelle, quoi. Exactement, comme on dit. Ouais. Et par contre, elle est obstinée à vouloir faire ça. Et, faire quoi exactement? Et donc, Ice Pip, comme dirait Alice. Ça va être une marque déposée, ça. Ouais. Mais grave. Exactement. Non, voilà, elle voulait essayer de me sucer avec un glaçon. Avec un glaçon, donc Alice, t'as déjà pratiqué cette... ce type de fellation? Oui, carrément. Mais il n'y a pas de problème. Enfin, tu n'as pas vraiment à avoir peur. Au contraire, tu vas être content, je pense, de ce genre de pratique. En plus, le glaçon, ils font super vite. Ouais. Donc, le seul truc un peu chelou, ça va être quand tu entends ta meuf qui te suce et en même temps, ça fait... Parce qu'elle a de l'eau qui fond dans la bouche. Ah, super. Et le glaçon, c'est hyper agréable. Et le glaçon qui... Oui. Pardon. Ma seule peur, moi, c'est juste les brûlures, en fait. Les brûlures. Ah, bien sûr, la glace, donc la glace sur le gland. Le glaçon qui reste collé. Quand tu mets un glaçon sur ta peau, est-ce que t'as une brûlure tout de suite? Non, il faut le laisser un petit moment. Ah non, ça fond. Ah non, ça fond. De la peau est chaude. Ta peau, elle est à 32, 31 degrés. Donc, ouais. Et le glaçon qui fond, en plus, il tourne autour de ton gland et tout, il bouge et t'as le glaçon qui fait. Et alors, dans la bouche, c'est 37, hein, donc ça fond encore plus vite. Excusez-moi, j'adore sucer. Je suce des Mr. Freeze, hein, bien sûr. Et le Mr. Freeze, tu le mets direct à la bouche, tu le sens passer sur la langue quand même. Non, mais ça brûle pas. Ah Ah bah, oui, mais là sensation. on le met pas direct sur le gland. Le glaçon est d'abord dans la douche, dans la bouche, dans la, dans la bouche. Donc c'est pas comme si on te colle tout de suite un glaçon sur ton gland. Il est dans la bouche, donc forcément ça fond tout de suite. Et c'est juste comme, par exemple, imaginons ta copine elle mange une glace et ensuite elle te fait une fellation, elle a la bouche toute fraîche. C'est ce genre de sensation en fait. Thomas, ça a l'air super ton délire en fait. Ça a l'air super, ouais. Bah alors, oui. Essaye, après tu verras. Après tu diras si t'aimes ou t'aimes pas, mais ça fait des sensations. Ça fait des sensations qui sont nouvelles, que tu peux pas avoir autrement de toute façon. C'est fréquent, c'est commun. Voilà. C'est cool. Ah, beaucoup le font. Et ça se passe très très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Alors Thomas, j'espère que tu auras compris le message de Doc. Hein. J'ai testé, j'ai kiffé. Hein, parce que beaucoup le font. Généralement, ça veut dire moi aussi je l'ai fait. Et franchement, c'est plutôt cool. Bon, je testerai, je kifferai alors. Alors, on va apprendre aussi à en connaître un petit peu plus sur Thibaut Cobel, hein, qui réalise cette émission ce soir. La glace à la pipe, la pipe à la glace, pardon, tu connais toi ? Alors, j'ai jamais essayé, par contre, j'ai déjà fait au coca, tu vois, figure-toi. Ah, alors, la pipe au coca, en quoi ça consiste ? Bah, en fait, la nana, elle met du coca dans sa bouche, et tu te dis qu'avec les bulles, ça va te faire des sensations, mais honnêtement, moi, j'ai pas senti beaucoup de sensations. T'as l'impression que c'est de l'eau, enfin, tu sens qu'il y a un liquide, mais ça pique pas trop, tu vois. Donc, t'as pas trop kiffé Bah, si, j'ai bien aimé, c'est marrant parce que ça change, mais franchement, t'as pas forcément des sensations folles en plus, quoi. Mais c'est le coca qui fait ça. Mais après, ça peut être frais. Si c'est vraiment du coca très frais, du coup, c'est la sensation de frais. Ouais. Mais que tu peux avoir avec de l'eau froide. Il faut de l'eau gazeuse fine bulle au frais. En fait, voilà. Non, mais je vous le dis, il y a des eaux pétillantes plus gazeuses que d'autres. Donc, c'est de l'eau gazeuse fine bulle au frais. On a une spécialiste. Donc, toi, pour la pipe, ce sont des fines bulles. Hein, le champagne, important. Il paraît que c'est super, mais personnellement, moi, c'est pas mon truc. La pipe, Alice ne boit pas d'alcool. Ah non. Donc, le champomis fera l'affaire. Pour Alice. Un bon champomis. Alors, tu peux essayer avec de l'alcool. En revanche, l'alcool, effectivement, ça brûle un petit peu. Donc, en général, tu le fais pas très, très longtemps. Juste quelques va-et-vient, et puis ça s'arrête là. Parce que c'est un peu moins agréable. Il y a quand même nettement moins de risques avec un glaçon. De toute façon, alors, tu le bois vite. Hein. Dernière question, j'en profite, Doc, parce que voilà, si on veut faire, alors Thomas nous parle d'une pipe avec un glaçon, et si on veut faire comme Alice, voilà, c'est sa passion avec du coca, de l'eau, ou du champomis, et alors, si on met un mentos quand on boit du coca dans sa bouche, est-ce qu'il y a un risque que ça explose? Il faut pas faire ça. Je ferai pas, mais. Parce que c'est un délire quand tu fous un mentos. Il y a une réaction chimique entre le produit du mentos et le coca. Et vraiment, ça fait beaucoup de mousse, c'est ça Ah non, il ne faut pas faire ça. Donc on évite le mentos. Voilà. Ah oui, ça serait comme genre sucer avec un bison 4, un pétard qui pète et tout, tu sais quoi. Enfin, le bison. Mais je suis remonté loin pour chercher ce truc-là. On a tous allumé un bison. Mais t'imagines trop. Enfin, moi, j'aurais trop peur que le gland se sépare du reste du pétard. D'accord, très bien. Eh bien voilà, Thomas. Donc, ça fait juste de la mousse, peut-être. C'est peut-être que de la mousse et c'est tout. Quand même, tu peux mourir. Ça pète. Bon, alors ne le tentez pas chez vous. Surtout pas. Ne le tentez pas chez vous à la maison. Thomas, la pipe avec un glaçon, c'est que du bonheur. D'accord, Thomas ? Eh bien, impeccable. On va essayer ça alors. Eh bien, je t'en prie et tu reviens quand tu veux. Ça fera 159 euros. Voilà, c'est les tarifs de nuit. Hein. On est passé. Bah, attends, by night. Hein. Et tu reviens quand tu veux, Thomas. C'est gratuit ici. Hein. Salut, mon Thomas. Salut. Merci, bonne soirée à vous. Ciao salut. Et gros bisous, bonne pipe. Rémi, t'es là, Rémi ? Oui, je suis là. Salut. Bonsoir Rémi. Salut. Rémi nous appelle de chez Alice. Il est à Metz. Ah. Et Rémi, en région Lorraine, ce soir, on va parler de couronne perlée, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Je suis complexé de ma couronne. Ah, mais alors, Doc, qu'est-ce qu'une couronne perlée ? Oh, c'est des petits, on va dire quoi, c'est des grains qui sont tout autour du gland, qui correspondent au gland de sébacée, donc ça forme, ça sert à produire du sébum, ça s'enquiste un peu, ça se durcit un petit peu, c'est là, c'est physiologique, ça pousse souvent à l'adolescence à cause de la testostérone qui les fait pousser, et du coup, effectivement, quand on avance en âge, ça peut aussi diminuer et disparaître, comme ça peut rester là. Bon, voilà. Mais maintenant, c'est physiologique, c'est normal, il n'y a rien à y faire, il n'y a aucun risque, c'est pas dangereux, ça ne s'infecte pas, voilà. Mais c'est peut-être pas très joli. Si elle est intense, cette couronne perlée, hein, les mecs, regardez tous votre tub. Hein, je vois Thibaut Cobel à l'area qui regarde son pénis. Matt, ta couronne, Thibaut. T'as une belle couronne ou pas? J'ai une très belle couronne, elle est toute rose. Ah, mais c'est magnifique. Ah. Coco, Coco, t'as une couronne ou pas, toi? Magnifique. Une petite couronne. Couronne royale. Oui, une couronne royale. Un diadème. Non, mais alors, moi, j'ai l'impression que tous les mecs ont soit une couronne perlée, soit quelques résidus. Il peut ne pas y en avoir du tout. Il peut y en avoir un petit peu et il peut y en avoir beaucoup. C'est très variable. Bon, a priori, les statistiques, je crois que c'est 40% des hommes qui en ont. Mais d'accord. Bon, ça ne nous dit pas s'il y en a beaucoup ou s'il y en a qu'un petit peu. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Ça ne change rien au plaisir qu'on a. Voilà, c'est bon, juste à la rigueur, pas joli. Bon, mais on s'en fout un peu. Hein. Alors Rémi, on fait tout un débat, on ne t'entend plus, Rémi. Donc, est-ce que tu es rassuré déjà de savoir qu'il y a plein de mecs qui l'ont et ça ne... Enfin voilà, ça, c'est tout à fait normal, quoi. C'est physiologique, ouais, comme dit Doc. C'est ça. Non, oui, ça me rassure pas mal déjà. Mais j'aimerais savoir si c'est possible de l'enlever, parce que j'ai entendu parler d'opération laser. Ouais, alors c'est toujours risqué ça. D'abord, il faut connaître un dermatologue qui s'y connaisse très bien pour le faire, parce que bon, voilà, c'est quand même un acte qui est particulier. Deuxièmement, ça part rarement avec une seule séance, il en faut plusieurs. C'est très cher. Ah ouais. Ça n'est pas remboursé. C'est pas pour ça que ça marche toujours. Et en plus, de toute façon, ça peut repousser. Donc, si tu veux, la balance entre les avantages et les possibles inconvénients est pas très positive. Donc, faut vraiment être très, très, très, très ennuyé, que tu t'arrives vraiment plus à faire avec, que tu supportes absolument plus de vivre avec. Ça se manifeste comment, du coup, Rémi? Parce que là, justement, Doc disait, faut vraiment être très ennuyé. Mais toi, t'es complexé, ça se manifeste comment, ton complexe? On va dire qu'elle est quand même assez importante, parce que ça, même au toucher, on la sent bien. C'est pas petit, ça fait presque le tour. Mais dans tes relations avec une fille, ouais, jusqu'où ça t'embête? Ça m'embête. Déjà, rien que sur les sites de rencontres, quand c'est le premier truc que je parle. Je leur demande si ça les dérange, les courants de perlée, voilà, avant qu'on commence vraiment à parler de sexe. Alors, sors de là tout de suite, faut arrêter. Ça voudrait dire que t'es en train de te ranger dans une case et de te mettre une étiquette. Je suis le mec avec la couronne perlée. Rémi, donc, 25 ans, couronne perlée. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais vraiment, cherche sa petite couronne. Mais grave, t'es en train de leur dire, quand tu leur écris Miss ça, t'es en train perlée de leur dire, j'ai un problème avec. Donc, arrête de le dire. Voilà. Puis c'est un complexe. Le principe du complexe, c'est qu'il y a surtout toi qui le vois. Enfin, personnellement, je connais l'existence de la couronne perlée. J'ai vu quelques pénis à mon actif, pas des masses non plus. Elle en a vu. Mais c'est vrai que, tu vois, je me suis jamais attardée là-dessus, Rémi. Et je pense que c'est toi qui fais en sorte que les gens, que ce soit mec, meuf, je sais pas quelles sont tes pratiques sexuelles, mais que ça fait en sorte que les gens ont envie de la regarder. Et tu focalises là-dessus, c'est un complexe, quoi. Bah oui, c'est ça. Alors que finalement, quand tu fais l'amour avec quelqu'un et tout, c'est pas le premier truc que tu dis. Bon, alors, est-ce qu'il a une couronne perlée? Au pire, justement, tu vas pas forcément donner envie aux gens d'aller plus loin, parce que t'en parles dès le début et que t'en fais un complexe, et on se dit, putain, le mec, il est chelou avec sa tub, quoi. Tu les fais focaliser dessus comme toi tu focalises dessus. Donc, il faut en faire un truc comme un grain de beauté. Hein, c'est là. C'est tout. C'est pas plus que ça. Je vais essayer. Bah ouais, Rémi. Je peux pas vous promettre que ça va. Et sois un bon amant. Fais du mieux que tu peux dans tes rapports sexuels. Kiffe, prends du plaisir. Sois là pour le sexe et pour les partenaires. Et le reste, tu t'en fiches. Bon, d'accord. Okay, Rémi. Merci beaucoup déjà. Ça m'a bien aidé. Oui, t'es nervuré comme un sextoy. Sois content. Mais bien sûr. Ça fait des petites sensations, des petits picots. Rémi, mais bien sûr. En plus, il y a un petit truc en plus chez Rémi. Ouais, c'est ça. Il y a le petit picot au bout de la tub. Mais grave. Et puis, la définition du complexe, le truc que toi tu remarques, mais que les autres ne voient même pas. Mais oui, les autres s'en foutent. C'est ça aussi, quoi. Je veux dire, tu focalises sur un truc et au final, tu t'empêches de vivre, alors que ça se trouve, les filles ne le remarquent même pas, quoi. D'accord, Rémi? Ouais, d'accord, merci beaucoup. J'ai l'impression que ça va mieux, Rémi. Allez, envoie une photo, on va passer à autre chose. Nouvel homme pour une nouvelle bite. C'est vrai que ça me fait du bien. Salut, Rémi. Salut. Salut, ciao. Bisous, Rémi. C'est déjà la fin de l'émission, les amis. On devait avoir Hugo aussi ce soir. Soyez pas déçus, on revient demain. Bonsoir, Hugo. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut, Hugo. Hugo qui a attendu pendant 2 heures. Non, je plaisante. Oh, non. Hugo, on l'a appelé tout à l'heure en fin d'émission. Hugo, t'es à Toulouse, t'as 21 ans, t'as pris de l'extasy ce week-end, c'est ça Hugo hein? C'est ça, j'en ai pris samedi, on était sortis en soirée avec des potes, et du coup j'en ai pris, et du coup je voulais juste demander au doc en fait quels sont les dangers à long terme sur le corps et tout ça, et si il peut se développer une certaine addiction ou quoi. Oui, carrément, et ça on peut déjà te dire oui. Après Hugo, ça on va en parler demain, c'est suffisamment sérieux, en plus c'est de l'ecstasy, c'est pas anodin. Ouais. Donc Hugo, on en parlera demain, on prendra aussi beaucoup de réactions, parce que c'est toujours intéressant de faire réagir tout le monde, là plutôt que de te répondre à la va-vite, hein, ouais, on va prendre le temps dès demain, entre 22h et minuit. On commencera l'émission avec toi si tu veux, d'accord Hugo? Ok, pas de souci. Bah, je te remercie d'avoir appelé du coup. Bonne soirée à vous et à demain. Salut. À demain et merci beaucoup pour cette soirée qu'on a passée avec vous. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'émission, je vous l'ai dit, on vous a mis des nouvelles vidéos, et puis on va faire le tirage au sort dans pas longtemps sur l'Instagram de Fun Radio. Oui. Parmi toutes les réponses qu'on a eues, petit tirage au sort pour vous offrir le pack Lovin' Fun, hein, Alice. Plus que 10 minutes donc pour commenter la photo Instagram sur le compte de Fun Radio en mettant tout simplement votre prénom en commentaire, et puis on va faire un petit tirage au sort et vous offrir ce gros pack avec les boules de Noël Fun Radio. Et ben voilà, je vais demander à Thibaut une petite musique festive. Voilà, petite musique festive. Ah. Je vais demander à Thibaut une musique de drame. Musique de drame ? Ouais. Oh. Ah ouais. Ah, putain. Oh, le drame ! Il réagit vite. Il réagit vite. Non mais je fais une sorte de comparaison avec Kassim, qui n'est pas venu à l'émission ce soir. Parce que il a demandé sa femme en mariage, elle a dit oui, et je crois qu'elle est en train de se rétracter. Alors, je vais demander à Thibaut Cobel une musique de joie intense. J'ai envie de jouer. Une musique de... franchement, j'ai tout donné, mais j'ai pas assuré au lit. Ah, une musique de tous les jours, j'ai pas assuré au lit. Oh putain. C'est ce qu'on appelle le son de la défaite. Vous voulez jouer vous aussi, Alice? Tu veux demander une musique? Ah ouais, je veux une musique de suspense. Musique de suspense? Il a mis un peu plus de temps avec moi. J'ai mis un peu plus. Je me rattrape. Une musique d'amour. Just gonna stay. Ah ouais. Oh là là. C'est un amour torturé. Oh, il est fort, hein. On va le garder. Hein. Thibaut, tu fais quoi demain entre 22h et réponds. Écoute, demain j'ai rien de prévu. Si, j'ai un truc de prévu. Malheureusement, ouais, putain. Non, parce qu'en fait, ça fait une semaine que j'ai pas passé de temps avec ma meuf, et demain c'est notre jour où genre on se retrouve un peu, tu vois. Vas-y, on appelle ta meuf. Adore. Okay. Vas-y, on réveille ta meuf. Vas-y, on va chez ta meuf. On se retrouve dès demain. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir été avec nous. Ouais, on a hâte que tu nous rejoignes aussi. Et rendez-vous dès demain, 22h minuit. On accueille Matt sur Fun Radio. Salut Matt. Et bonsoir. Salut. Tout le monde. Bon, bah, apparemment, ça va bien. Tout le monde est en forme, dis donc. Ouais, carrément. Bon, bah, on a chopé un super réalisateur, là. Ah, j'ai vu. Bon, il s'est mis tout nu, hein, pendant l'émission ou pas? Oui, alors, on l'a son habitude. Ouais. Non, parce qu'il est en repérage, jeudi. Justement. Et il nous a fait une petite démonstration. En moins de 10 secondes, il était à poil. Ah, c'est marrant. C'est il a ce pouvoir. C'est vrai. Ça m'étonne pas du Thibaut, ça, tu vois. Fidèle à sa réputation jusqu'au bout. Alors, que se passe-t-il ce soir? Eh bah, ben, plein de belles choses. Écoute, je suis en train de me remettre de mon week-end hollandais. Ah, parce que je reviens d'un festival au Hollande qui s'appelle le Climax, que beaucoup d'auditeurs de Fun Radio et surtout du coup de cœur Artile connaissent peut-être. D'accord. Donc voilà, on a récupéré quelques petites nouveautés. Donc gros coup de cœur Artile ce soir de prévu à 1h du matin. Et puis 1h-10, le souvenir de la soirée. On va remonter un petit peu dans les années et puis plein de belles choses. J'ai plein de nouveautés ce soir. Il y a le nouveau Criss Cross Amsterdam à découvrir. Il y a le nouveau Cashmere aussi. Et puis voilà, on va démarrer la soirée avec Martin Garrix et Burnout. Eh ben voilà. Génial. Eh ben profitez bien avec Matt jusqu'à 1h du mat. C'est parti Fun. Salut. Bisous Matt. Les copains, à demain. Et on se retrouve demain à 22h. Ciao tout le monde. À demain, ciao. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation.